de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux juifs, en moi, de travailler à la rédemption du reste des humains. Au ticône de l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 24. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email dempart2@dnmx.org. Alors je vais épeler quand même, dempart2, donc D-E-M-P-A-R-T, 2, le chiffre 2, mais en chiffre, hein, pas éplé D-E-U-X, hein, c'est 2 comme le chiffre. Hein. Donc dempart2@dnmx.org. Vous le trouvez de toute façon sur le site internet, il est dans la barre de droite comme tous les rappels ou les guides explicatifs relatifs au site. Alors ELB, alors vous allez me dire, il commence à nous fatiguer à nous dire que ça revient jamais. Alors, je vous le disais, ça va pas revenir tout de suite, mais ça y est, on a résolu le plus gros problème, le truc le plus gênant, puisque bon, en fait, nos ennemis utilisent différentes tactiques, différentes approches pour venir à bout de nous, ils agissent à différents niveaux, et donc on a dû y remédier. Et puis, on doit faire avec les moyens du bord aussi. Donc, effectivement, on aimerait que ce soit beaucoup plus rapide, mais on est bien déterminé à relancer le forum. Donc, il va falloir un petit peu prendre son mal en patience. Ne nous en voulez pas, mais on garde le cap. Alors, le forum, le réseau social alternatif identifié, en tout cas, projet de réseau social, vous connaissez ça, mais j'en fais quand même la promotion systématiquement. Donc il y a un petit guide explicatif aussi à droite sur le site de Démocratie Participative, dont l'adresse actuelle, qui changera inévitablement, hein, est dempart.buzz, B-U-Z-Z. Alors Identia, c'est un projet en cours de réseau social sur Tor, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas de manière centralisée avec des serveurs centralisés, mais de manière décentralisée. Pour vous donner une idée très, très approximative, c'est davantage des nœuds qui sont alimentés de manière bénévole un peu partout dans le monde, de manière chiffrée. Donc ça ne sera pas du tout la même structure. Et en plus, disons que ça marcherait davantage comme le téléchargement en peer-to-peer, donc avec un hébergement collectif. Donc si vous voulez, c'est peer-to-peer. Et c'est sur Tor, donc c'est bon, je le fais à grands traits. La fiche technique est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise. Vous pouvez voir l'état d'avancement du projet qui avance mois après mois, car c'est une équipe de bénévoles. Mais nous voulons voir cela se matérialiser. Il ne peut pas advenir en quelques jours, hein. Il y a quand même du boulot à faire. Donc on aimerait voir ça advenir d'ici quelques années. Donc je précise bien, d'ici quelques années. Comme tout est bénévole, on ne peut pas aller plus vite, sauf s'il y avait des mécènes très généreux. Mais il nous semble absolument évident que les réseaux sociaux tels qu'ils sont conçus aujourd'hui seront extrêmement censurés dans l'avenir. Je crois qu'on peut dire avec un certain degré de certitude que l'obligation sera faite à un moment ou à un autre de devoir s'identifier au sens strict pour pouvoir se connecter à Internet. Je vous passe les détails. Donc, de toute façon, la clandestinité sur les réseaux sociaux ou sur l'Internet de manière générale, mieux vaut s'y faire plus tôt que plus tard, on va dire, pour s'éviter des ennuis. Donc, voilà qui est fait. Alors, aujourd'hui, il y a Nogar avec moi, mais pas uniquement, puisque Jean va nous rejoindre après, mais il a un petit empêchement. Salut Nogaret, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, oui, tout va bien. J'espère qu'il en est de même pour toi et pour nos auditeurs. Bah écoute, c'est le mois d'août, il fait chaud, c'est certain. Là, on est au creux de l'activité humaine, hein, je crois, dans le monde occidental. Il ne se passe rien, les gens ont disparu, ils sont à la mer, à la montagne, dans les forêts, je ne sais où. Tant mieux, bon, bah, qu'ils s'aèrent, ils ont besoin de ça. Le reste de l'année est suffisamment pénible. Ils ont besoin d'une grosse rupture, alors, de préférence dans la nature. La rupture, c'est mieux, hein, d'être au contact des animaux, du monde minéral, du monde végétal, plutôt que des gens concentrés très fortement dans les grandes villes. Je pense que c'est mieux. Donc voilà. Donc là, c'est sûr que c'est pas très soutenu comme activité, mais c'est pas grave, hein. La rentrée arrive. Pour le meilleur, mais aussi, surtout, pour le pire. Alors, chers amis, avant d'enchaîner, remercions nos donateurs. Vous savez que Démocratie Participative, le site, l'émission, mais aussi le forum, quand il fonctionne, dépend de la générosité des mécènes. Nous fonctionnons intégralement grâce au bon vouloir et au soutien de tous ceux qui se retrouvent dans tout ou partie de ce que nous faisons. Car évidemment, tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout ce que nous disons, formulons, exprimons ici, mais je pense qu'ils sont quand même assez d'accord sur le fait que faire, on va dire, remettre en cause les tentatives de censure est toujours utile pour tout le monde, d'une manière générale. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis des années. Pour certains, anonymement ou en nous écrivant, nous signifiant leur soutien. Merci à eux tous. Mais vous pouvez aussi nous envoyer un petit message, si vous le souhaitez, pour que nous vous remercions lors de l'émission. Alors, je rappelle, hein, les dons, c'est en crypto-monnaie, via Monero, qui garantit l'anonymat des dons pour votre sécurité, pour l'anonymat des transactions. C'est ça aussi, la clandestinité, hein, quand on est vraiment... Quand on est vraiment anti-système, eh ben, il faut y recourir. Donc voilà qui est dit. Alors, plusieurs dons cette semaine, en tout cas plusieurs personnes qui nous ont écrit pour nous signifier des dons. Je commence avec Jacques, un donateur régulier. Bonjour l'équipe, 6 juin, participation pour vos bonnes œuvres. Toujours l'équivalent de 40 euros pour que je pense sérieusement augmenter. Il faut que je pense sérieusement augmenter mes revenus, en vous souhaitant une bonne continuation, et même si vous nous manqueriez cette semaine, j'imagine, de profiter d'un repos estival. Jacques, il n'y a pas de repos estival, Jacques, il n'y a pas de repos, pas pour notre part, pas de week-end, il n'y a pas de repos, voilà, au moins c'est simple. Arbeit. Don numéro 2, bonjour, je vous envoie ma donation du mois de juillet, un Monero avec un peu de retard, vu que je suis tête en l'air, merci pour votre travail. Ça c'est le camarade Blickpal qui nous envoie ce message. Merci Blickpal, merci de ta fidélité. 1 euro, hein, le club des donateurs. Ah, 1 euro, non, 1 Monero, pardon. 1 Monero, donateur à 1 Monero, c'est une somme quand même considérable, il faut bien le dire. Donc l'effort est d'autant plus apprécié. De toute façon, tous les dons nous sont absolument utiles pour résister à la pression. Et puis, Dieu sait que des gens n'apprécient pas nécessairement notre contribution aux discussions générales en France, hein. Tout le monde n'apprécie pas, hein. Bon, voilà. Donc, merci d'autant plus, cher Blickpal. Don numéro 3. Bonjour, cher camarade. Voici 1 $ canadien en guise de test. Alors, donc, c'est 0,004 Monero. S'il vous plaît, me confirmez la réception pour que je puisse faire d'autres dons à l'avenir. Alors, c'est signé un homme du Nord. Homme du Nord, on va vérifier ça. Alors, c'est accompagné d'un petit message. Andrew Anglin, donc ça c'est le Daily Stormer, dit que la cigarette ou le tabac n'est pas réellement néfaste pour la santé. Même au contraire, elle serait bénéfique pour les hommes puisque le tabac ferait augmenter le niveau de testostérone. Qu'en pensez-vous? Je conseille fortement aux démocrates le podcast d'Andrew Anglin, Wang Town, parfait pour les nationaux-socialistes désireux de pratiquer leur anglais. Alors, merci pour toutes ces références. Alors, je ne sais pas où se trouve le podcast d'Andrew Anglin, donc... Si quelqu'un a l'adresse, le site où ça se trouve, désolé, hein, je débarque un peu là, mais je ne suis pas au courant. Pour la cigarette, on va commencer tout de suite avec le camarade Nogaret. Je suis sûr que Jean aurait eu quelque chose à dire là-dessus, mais il n'est pas encore arrivé. Nogaret, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu es anti-tabagisme, pro-tabac? Tu vas me dire, la question est orientée, mais pro-tabac, anti-cigarette, cigare, cigario, tabac qui pousse dans son jardin en bio. Comment ça se passe? Qu'est-ce que chic éventuellement? Comment ça se passe? Non, la chic, je laisse ça aux populations sud-méditerranéennes, pour le dire comme ça. C'est très pratiqué par les Arabes notamment, mais chic, aussi dans les pays du Nord. Ouais, c'est quelque chose, dans les bureaux de tabac, c'est quelque chose qui est surtout acheté par eux. Bon, après, moi je suis contre le fait d'acheter du tabac dans les plus connus, là, les grandes marques américaines, etc., parce qu'il y a plein de saloperies dedans. Maintenant, si vous avez envie d'acheter un cigare, faire pousser votre tabac, etc., moi, je ne suis pas spécialement contre. J'avais un ami qui me disait souvent il faut que la somme des vices s'équilibre. Donc, si votre vice, c'est le tabac, voilà, c'est pas le vice le plus grave, disons. Donc, voilà, moi, je ne suis pas spécialement fumeur. Enfin, en tout cas, je ne le suis plus aujourd'hui. Mais je peux comprendre. T'as arrêté le tabac, toi, volontairement? Oui, c'est ça. Je m'y étais mis un petit peu, fut une époque, vie stressante, ce genre de choses. Ouais. Et au final, j'ai fini par arrêter pour diverses raisons, ouais. Mais notamment les effets sur la santé. T'es passé au cannabis, quoi. Plus cool, plus... Non, j'arrive. Mais je veux dire, t'as eu du mal à arrêter le tabac? Ça a été difficile ou pas, hein? Non, pas spécialement, puisque je n'en fumais pas non plus énormément. C'était vraiment comme ça. Donc, et comme j'avais la volonté de le faire, le problème, c'est que beaucoup de gens qui essayent d'arrêter n'ont pas spécialement la volonté d'arrêter. Ils veulent arrêter oui. Pour différentes raisons, mais ils veulent pas profondément arrêter. Mmh. Bon, moi, j'ai connu un gars qui était cancéreux, il voulait pas arrêter. Hein, donc, cancéreux à cause du tabac, je veux dire. Je fumais jusqu'au bout. Ah oui. Je les connais comme ça, vraiment des fanatiques, quoi, hein, des fanatiques du tabac. Hein. Moi, je crois que le premier frein que j'ai vis-à-vis du tabac, c'est le prix, aujourd'hui, qui est absolument prohibitif. J'ai oublié le prix d'un paquet de Marlboro, mais je l'ai plus tout de suite en tête, là, le prix du paquet de Marlboro. Mais c'est considérable, je veux dire. C'est pour vous dire, dans ma jeunesse, quoi, un paquet de Marlboro, on le trouvait à peu près à 10 francs. Moins de 10 francs, aux alentours de 10 francs. Ce qui était déjà pas rien à l'époque. 10 francs, c'était déjà pas rien. Et aujourd'hui, si tu convertis, mais vraiment, j'ai pas, il faut que je jette un œil là, mais le prix Marlboro paquet de Club France, il faut que je regarde, mais c'est absolument énorme. C'est plus du tout... Oui, ça doit être autour de 10 euros, je dirais, maintenant. Oui, je crois que c'est 10 euros. Donc, alors, ça fait 68 francs. Non, combien c'est un euro par rapport au franc? J'ai oublié. 6,50 euros. 6 euros, c'est un truc comme ça. 6 euros, 65 francs le paquet de cigarettes, c'est hallucinant. Je veux dire, alors, en fait, il y a plusieurs choses, mais il y a d'abord l'inflation. Quoi. On voit bien l'inflation, comment elle a progressé. Donc, je vous dis, le paquet de cigarettes, le coût du paquet de cigarettes a été multiplié par 6,5 pratiquement en 25 ans, approximativement. En 25 ans. Alors vous allez me dire, oui, bon, bah, c'est normal. Oui, d'accord, mais est-ce que les salaires ont été augmentés de 6,5 en 25 ans? Je suis un peu moins sûr tout de suite, là. Je crois pas que les salaires aient été augmentés de 6,5 en 25 ans. Donc les salaires n'ont pas du tout suivi la courbe de ces prix, de ces produits de consommation. Alors évidemment, on va me dire, bah oui, mais bon, il y a une campagne anti-tabac, l'État a mis beaucoup de taxes dessus pour dissuader. En fait, ça dissuade de rien. Vous voyez, c'est ça. Moi, j'ai pas l'impression. Et, bon, j'ai pas regardé d'études récentes, mais je n'ai pas l'impression que la consommation de tabac était très influencée par le coût du tabac. Je pense, par exemple, que les vapoteuses ont eu une influence beaucoup plus grande sur la consommation effective de tabac que le prix. Moi, je voyais bien mes collègues autour de moi qui consacraient des budgets à part entière au tabac. Alors, ça les faisait grincer des dents. Hein. Ils n'aimaient pas bien payer ça. Mais ils arrivaient quand même toujours à s'arranger. Ce que l'État sait pertinemment. Hein. Je pense qu'ils font des études. Moi, si j'étais un responsable étatique et que j'avais pour rôle à Bercy de racketter le peuple, Bah, je me disais, et que j'attaquais le tabac, bah, j'irais simplement voir des psychologues ou des professionnels du marketing. J'irais les voir. Je dirais, bon, il faut qu'on fasse une étude sur le comportement des consommateurs. Est-ce que si on augmente le prix de temps, quelle sera leur réaction? Et il faudrait aussi consulter des spécialistes de l'addiction, etc., pour avoir une idée générale, une prévision générale de la réaction du public à une augmentation prévue du prix du tabac. À mon avis, ils l'ont fait. Ils n'en ont pas forcément fait état publiquement. Ils ne s'en sont pas vantés. Mais je pense que les stratèges de Bercy ont fait des études dans ce sens pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or, parce que l'objectif, en fait, sous couvert de protéger la santé, je pense que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire de l'argent. Donc voilà. Donc, enfin, là, je m'écarte un peu, parce qu'effectivement, c'est le coût du tabac. Ceci étant dit, c'est aussi culturel, parce qu'on a fait passer, enfin, le tabac est progressivement devenu un problème, enfin, a été considéré culturellement comme un problème. Et ce qui justifie effectivement le... Et vous rappelez, ils sont mis à mettre les trucs horribles là sur les paquets de cigarettes, genre fumez-tu, etc. Mais ce qui ne dissuade rien, c'est ça qui est fascinant quand même. Ça, je veux dire, comme expérience en temps réel, c'est intéressant. Ça me rappelle un peu l'immigration. C'est en fait, si vous mettez peut-être sur une étiquette dans le dos de chaque arabe, l'immigration tue, je crois pas qu'on aurait de meilleurs résultats, je veux dire, en termes d'opinion sur la réduction de l'immigration. Je suis pas tout à fait convaincu, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les gens, quand ils sont pris de quelque chose, ils veulent pas vraiment le lâcher, quoi. Alors, je précise que Jean nous a rejoint. Ça nous fait plaisir. Salut, Jean. Alors, on parlait du tabac. On parlait du tabac, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un camarade auditeur qui suit Andrew Anglin. Alors il y a un petit débat là, j'ai pas, autour de la nuisance ou non nuisance du tabac. Ça serait bon ou pas pour les hommes, un signe de masculinité, je ne sais pas. Quel est ton avis? Quel est ton rapport au tabac? Est-ce que tu es anti-tabac, pro-tabac, complètement indifférent? Quel est ton point de vue là-dessus? Bah écoute, il semblerait que le tabac soit pas aussi nocif en tant que tel que ce qu'on nous le présente. Effectivement, j'ai lu le courrier de l'auditeur et je crois qu'en fait, ce qui est le plus nuisible, c'est tous les ajouts que les entreprises qui vendent des cigarettes et même du tabac à rouler rajoutent énormément d'additifs, de choses qui sont assez nocives. Après, faut quand même... Ouais. Faut quand même pas occulter le fait que la fumée c'est forcément pas très bon pour les poumons. Oui, c'est pas bon. Oui. Il y a quand même un effet négatif, mais il semblerait que par exemple mâcher des feuilles de tabac puisse avoir des effets positifs outre le fait de pourrir les dents. Ah bon, c'est toujours pareil. On parlait de la chic justement. Tu vois. Ouais, c'est toujours pareil. C'est une question de dose. Hein. Il me semble que c'est Paracels qui disait que tout est poison sauf, enfin, tout n'est qu'une question de dose en fait. Et donc, apparemment, c'est pareil. Le cannabis, pour ceux qui ont une résistance aux effets cannabique, dans le sens, ça les fait pas devenir fous, parce qu'il y a des gens qui fument quelques fois et ils deviennent déments et oui, c'est très difficile à soigner. Mais bon, la quasi-totalité de la population est résistante, et donc une consommation très très très faible, disons une à deux fois par an, ne serait pas si mauvaise. Mais c'est comme, il y a des tas de psychotropes. Moi, je conseille de n'en prendre aucun, parce que le problème, c'est que quand on a des problèmes dans sa vie, on finit par tomber dedans après. C'est-à-dire que c'est un palliatif. Oui, c'est voilà, c'est un palliatif. Alors au début, on prend ça de manière contrôlée, de manière un peu récréative. Puis dès qu'on a des problèmes personnels ou des choses un peu plus difficiles, on finit par prendre ça de manière systématique et de devenir complètement accro. Donc tout ce qui est champignons et ce genre de choses. Mais bon, ouais. Pour revenir au tabac, je crois, j'ai entendu la partie sur l'argent. Je crois que c'est un peu comme l'essence, je crois que c'est comme le pétrole. C'est des choses qui sont totalement artificiellement chères pour engraisser l'État. C'est que contrairement, alors j'en avais parlé il y a quelques temps, pas dans l'émission, mais hors émission. Je crois qu'il y a des tas de choses qu'on nous fait croire... étant beaucoup plus rares que ce qu'elles ne sont en réalité. Donc le pétrole, il me semble que ça fait partie de ces ressources-là. Donc le pétrole, ça fait partie de ces vaches à lait. Le tabac, pardon, ça fait partie de ces vaches à lait qui engraissent effectivement l'État de manière faramineuse. Bah, c'est addictif et c'est tout le débat autour de, tu sais, de l'interdiction ou non-interdiction de la drogue. C'est à peu près le même débat autour, c'est à peu près le même débat qu'autour du tabac. C'est-à-dire que l'État est très intéressé à une légalisation, fatalement, parce qu'il peut prendre sa part. Mais ce qui le fait reculer, vous allez me dire, bah, à ce moment-là, pourquoi il... Oui, mais à ce moment-là, il tue l'activité illégale, et là, il a un problème d'ordre public, parce que là, c'est les quartiers ethniques qui vont se révolter avec les narcotrafiquants. Donc, c'est ça l'enjeu, en fait. Ça, et puis la probabilité, enfin même la quasi-certitude qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires qui se servent. Quand tu vois qu'à Barbès, par exemple, il y a tout un tas de trafics qui se font en plein jour. Ça va beaucoup, plus loin que ça. Moi, je peux vous dire, d'expérience. C'est-à-dire que, vous savez, il y avait les phénomènes des rêves parties. Il y a encore des rêves parties, mais ça n'a plus rien à voir avec les phénomènes que c'est parce qu'ils faisaient des rêves parties sauvages il y a peut-être 15 ans de ça, ou 20 ans de ça, qui étaient des phénomènes de masse, qui n'avaient rien à envier à des grands concerts. Hein. Mais il y a eu un effort des autorités publiques, mais on l'a su, moi j'ai su de première main, les élus d'Île-de-France, dans ce qu'on appelle les banlieues, la périphérie ethnique, étaient en lien, si vous voulez, avec les narcotrafiquants de l'époque, et avec des pingouins dans différentes régions de France. Et alors, les fameux technival sauvages comme ça, ou les rêves parties, n'étaient en fait que des prétextes à vendre de la dope. Et donc tout était bien organisé à l'avance, c'est-à-dire que les types venaient, parce qu'ils savaient qu'il y avait des périmètres de gendarmerie qui étaient installés. Donc les gars, ils venaient 10 jours, une semaine avant, ils allaient dissimuler la drogue, l'enterrer la drogue sur le périmètre du site. Donc quand ils rentraient ensuite sur le site, il n'y avait plus qu'à aller la déterrer. Donc je vous passe les détails, mais on savait qu'il y avait des élus franciliens qui étaient dans la combine, qu'ils activaient leur réseau politique pour faciliter la tenue de tel ou tel technival ou assurer la protection politique, etc. Là où ça a commencé à dégénérer, c'est quand il y a eu des meurtres ou des viols. Donc il y en a eu comme ça, assez spectaculaire, parce que bon, les gars sont complètement défoncés. Je veux dire, il y a la drogue de cheval, hein, il y a la kétamine, tout ça. Enfin, donc les mecs sont dans un tel état que il y a des débordements qui deviennent sanglants, donc c'est viol collectif et meurtre, et là ça fait très mauvaise presse dans les endroits où ça se passe, c'est-à-dire dans des endroits quand même assez ruraux. Donc les gens posent des questions, qu'est-ce qui s'est passé, qui quoi qu'est-ce, etc. Et là ça tourne un peu au vinaigre. Donc ils ont arrêté ça, et ils ont arrêté en démantelant la tenue de son. Mais moi, je peux vous le dire, mais à 100%, il y avait des camions de Hollande qui venaient avec des trucs de fabrication, des labos roulants d'Exta qui venaient. Alors ça, l'Ecstasy, la Hollande, c'est les Juifs à 100%, il faut le savoir, hein. C'est pas les Maghrébins, c'est ça. L'Ecstasy via la Hollande, c'est les Juifs. Et eux, ils avaient carrément leur laboratoire roulant, etc. Et ils suivaient constamment tous les événements. Donc, c'était très abouti. Et voilà. Mais ça s'est calmé. Donc, maintenant, quand vous avez des rêves parties ridicules, c'est 2000 pelés. Aucun souci. Mais c'est pour vous dire quand même que tout le monde y trouvait son compte, quoi. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça la question de l'État, quoi. Est-ce que je légalise pour prendre ma part ou pas? C'est toujours en rapport. Ah ouais, mais d'accord, mais de quoi vont vivre ensuite les narcotrafiquants? Donc les narcotrafiquants, dans ces cas-là, si vous asséchez le marché du cannabis, ils vont basculer sur des drogues beaucoup plus dures, avec des addictions beaucoup plus dures, avec une chute des prix sur des drogues qui jusqu'à présent peut-être coûtent un peu plus cher, même si le prix de la coke, etc., c'est considérablement, c'est largement entre guillemets démocratisé pour le pire, hein, le mot démocratie étant, hein, bien sûr. Mais c'est ça en fait. En fait, ils se disent bon, bah, quitte à avoir des narcotrafiquants, autant qu'ils s'amusent avec du hashish, de l'herbe, parce que c'est entre guillemets, bien entendu, assez inoffensif, plutôt que de les voir basculer sur le crack, l'héroïne, tout ce qui s'ensuit, les drogues de synthèse. Bon, même s'il y en a déjà, je veux dire, mais à grande échelle. Et là, on aura des graves problèmes parce que c'est des drogues beaucoup plus puissantes. Et voilà. Et donc, on aura des problèmes de santé publique, etc. Donc, en fait, voilà la situation. C'est comme... Bon, j'en termine, mais on pourrait supprimer la drogue purement et simplement en France si on le voulait. Il suffirait d'attraper absolument tous les dealers et de les pendre. Voilà. Singapour le fait, ça marche. Non, mais voilà, Singapour le fait, ça marche. Le reste, c'est de la blague. Et on, en fait, on veut pas le faire. Donc, on veut pas prendre les mesures nécessaires. Donc, ensuite, à partir du moment où tu veux pas, Enfin, c'est comme un drogué, quoi. À partir du moment où le drogué, il veut pas arrêter de consommer de la drogue, pourquoi voulez-vous qu'il guérisse du problème de la drogue? Donc ensuite, on tourne autour. On dit, bon, bah voilà, quand il consomme, à quelle heure, est-ce qu'on peut lui envoyer un soutien psychologique? Voilà, c'est exactement la même chose, quoi. Voilà. Est-ce que la France veut guérir de la consommation de drogue à haute dose? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on choisit plutôt telle drogue que plutôt telle autre. Voilà. Bon, j'ai fait court. Et puis ensuite, il y a des enjeux aussi géopolitiques. Faut savoir que la principale producteur de hashish, c'est le Maroc, qui est un partenaire géopolitique de la France. Donc, si vous asséchez les revenus du Maroc, de l'État marocain, du roi du Maroc, parce que le roi du Maroc, c'est le roi du shit, en fait. Donc, si vous asséchez ces revenus, vous allez avoir un problème géopolitique dans cette région-là. Donc, enfin, il y a des tas d'accords comme ça. Bon, ça, c'est dit en passant, mais quand vous regardez la Hollande, où ils ont légalisé, en pensant justement écarter un peu les narcotrafiquants de tout ça, bon, bah, regardez aujourd'hui, c'est qu'ils ont créé une mafia marocaine extrêmement puissante qui est maintenant en mesure de menacer directement les ministres personnellement dans leur vie. Ils sont capables de contester l'autorité de l'État. Parce que, enfin, l'État est faible, de toute façon, c'est ça. Enfin, la démocratie est faible, et voilà. Donc, bon. Alors, évidemment, je passais du tabac au truc, mais c'est quand même assez contigu comme débat. C'est le débat des addictions, de l'aménagement des addictions. Qu'est-ce que l'État touche sur ces addictions? Oui, et puis il y a aussi quand même des trafics de cigarettes. Hein. C'est beaucoup moins puni que le trafic de drogue. Mais il faut quand même savoir qu'une bonne partie de l'argent des banlieues et de tout un tas de trafic, c'est aussi des cigarettes de contrebande. Donc ouais. Ça a totalement un lien. Mais pour revenir à ce que tu disais avec les rave parties, il y a aussi le. Enfin, tu parles des politiciens. Moi, je pense qu'il y a aussi tout un tas de fonctionnaires, des préfets, des inspecteurs de la police judiciaire. Et ainsi de suite, qui s'arrangent. Ils les connaissent bien, les trafiquants. Et puis, s'il y a moyen de gratter un petit billet, comme dirait l'autre, et ben, ils y vont aussi. Hein. C'était l'opacité totale, c'était sous Sarkozy. Hein. Donc, il faut le rappeler, moi je vais donner des noms. Donc, une des victimes principales, c'était une jeune fille qui portait un nom. C'était en Bretagne. Il y avait une grande rave party à Carnoët. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Kroganek. Qui était décédé, violé par un type, en fait. Bon, il faut reconnaître, les gendarmes avaient fait un travail extraordinaire de recherche, d'investigation. Dommage, je ne connais pas le nom des enquêteurs, mais ils ont fait un travail tout à fait extraordinaire. Sur des années, des années, des années. Enfin, il y avait une volonté de retrouver le meurtrier qui de la part de la gendarmerie et en tout cas de l'unité chargée de ce dossier, qui est tout à fait remarquable. Hein. Bon, une fois n'est pas coutume, rendons hommage à la gendarmerie. Elle s'illustre pas toujours dans ce domaine-là, mais je veux dire, dans d'autres domaines qui sont un peu moins glorieux. Mais pour le coup, là, les enquêteurs avaient fait un super travail. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le père avait tirer la sonnette d'alarme, ils voulaient savoir qu'est-ce qui s'était passé et tout. Et nous, on savait, parce qu'on avait des informations de première main, que des clébards avaient été utilisés pour faire entrer la drogue. C'est les clébards pour faire porter la cam sur le site. Donc, il y a ceux qui enterraient sur le site et il y a ceux qui venaient avec des chiens qui servaient de mules. Donc, on faisait manger des sacs de drogue aux clébards et quand ils rentraient sur le site, une fois avec les clébards, les mecs éventraient les clébs. Ils tuaient les chiens, ensuite ils les éventraient, ils récupéraient la drogue et ensuite ils allaient la distribuer sur le site. Okay, et on retrouvait dans les déchets des cadavres de chiens éventrés. Donc ça, on l'a su. Moi, je l'ai su de première. Ça a été démenti ensuite sur ordre du ministère de l'Intérieur par les médias en Bretagne, donc typiquement Ouest France, le Télégramme, qui font toujours constamment, hein, pour le rôle de l'État, un travail de désinformation. Mais nous, on avait les sources de première main, donc on savait que c'était vrai. Et donc, il a insisté. Il a été voir Sarkozy, le père de cette jeune fille. Et alors il était allé avec son avocat et Sarkozy l'attendait au ministère de l'Intérieur, il était encore ministre de l'Intérieur, c'est en 2007, avec un général de gendarmerie. On lui a dit vous rentrez mais pas avec votre avocat, ce qui est déjà assez intéressant. Et il avait dit non, je viens avec mon avocat et sinon je refuse la rencontre. Et Sarkozy a refusé, il avait dit vous verrez de quel bois un breton se chauffe. Bon, et dans quoi on a retrouvé le père de cette jeune fille donc violée et assassinée, mort dans son bain. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Sarkozy. Donc, suicide. Oui, voilà, ouais, soit suicidé dans 30 cm d'eau, quoi, c'est un grand classique. Donc, il voulait en savoir de trop sur tout le monde, parce qu'en fait, il avait, à son corps défendant, il avait commencé à exhumer toute cette énorme machine à pognon. D'accord? Et donc, il ne fallait pas qu'on aille trop chercher, qu'on aille trop voir, qu'on aille se renseigner sur les réseaux, etc. Mais nous, on avait fait un travail de terrain, on avait été voir les habitants, on avait été discuter avec ceux qui étaient sur place, donc on avait des informations de première main, tous ceux que les journalistes évidemment censuraient, qui font éternellement leur travail d'empoisonnement. Et voilà, donc on avait eu toutes les infos qui ne passaient pas. Je vous passe les détails, mais pour vous montrer à quel point c'était une énorme machine à fric, parce qu'il y avait des dizaines de milliers de gens qui venaient pendant 2 jours. Tout cet argent consommé dans la drogue n'était pas déclaré. C'était la machine à cash. C'était la machine à cash instantanée. On avait des organisateurs qui osaient défiler partout masqués. C'était assez fascinant. C'était une organisation clandestine qui interagissait directement avec la préfecture ou avec les préfectures. Et c'était incroyable. Je veux dire, c'est des gens qui refusaient de donner leur nom, qui apparaissaient masqués, qui ne représentaient aucune organisation et qui organisaient ces événements musicaux où il y avait en fait qui servaient de prétexte à vendre de la dope. Et en fait, les gars agissaient, mais sans réaction de la part de l'État. C'est-à-dire qu'à aucun moment le ministère de l'Intérieur ne jugeait utile de les interpeller alors que l'État savait très bien qui c'était. Donc c'était ça toute la mascarade. Mais quand il y a eu des viols et des meurtres, là, l'opinion s'est trop retournée et on a dit bon maintenant ça s'arrête. Et là ils ont commencé à saisir les murs de son, etc. Et on a réduit les phénomènes à des anecdotes. Voilà exactement ce qui s'est passé. Mais en fait c'était toléré tant que les élus et les fonctionnaires touchaient et touchaient gros. Tant que ça marchait, il n'y avait pas de raison d'intervenir. Voilà la raison du pourquoi du comment, avec évidemment l'aide de la presse complice. Voilà. Alors, on s'est beaucoup écarté, évidemment, du tabac. Alors, quelle est ma position sur le tabac? Alors, moi, j'ai la position d'Adolf Hitler. Moi, je pense qu'il ne faut pas cultiver le tabagisme du tout. Je pense qu'on s'en porte mieux. Adolf Hitler voulait faire interdire la consommation de tabac après la guerre. Je m'y reconnais assez. Je pense que le tabac n'est pas bon. Je vois pas de vertu dans l'utilisation du tabac parce que tout le monde fume en fait. Pratiquement tout le monde fume. Et voilà. Alors bon, après moi je vais pas me. C'est comme le tatouage, tu vois. On peut déclarer, faut pas se tatouer. Bon, les gens font ce qu'ils veulent, je veux dire. Bon voilà. Bon, mais je pense que c'est mieux de pas fumer pour sa respiration. Moi je voyais les tabagistes, les copains qui fumaient, je les voyais bien hein, quand il s'agissait d'aller courir un peu. C'était compliqué, hein, je veux dire, ils crachaient leur trip. Voilà. Alors on va me dire, oui, mais c'est peut-être pas du tabac naturel, je sais pas. Bon, écoute, je rentre pas là-dedans, mais je dirais, a priori, abstenez-vous si vous n'êtes pas en besoin, abstenez-vous. Maintenant, si vous avez absolument besoin de votre paquet de clopes, comme le disait un peu Nogaret, de toute façon, si ce ne sera pas ça, ce sera autre chose. Il faut savoir que l'humanité, de toute façon, a toujours besoin d'un backup d'une manière ou d'une autre. Aux États-Unis, ils ont une très grosse productivité, mais ce qu'on dit pas, c'est que c'est énormément avec des enfaites. Mais les mecs sont des machines à travailler comme pas permis, quoi. Je veux dire, les Américains ont pas le niveau d'activité économique qu'ils ont simplement parce que c'est les États-Unis. Il y a des gens derrière qui travaillent et les mecs se tiennent à fond avec les enfaites. Oui, ils prennent aussi beaucoup d'Adderall. C'est une sorte de médicament qui permet de se concentrer plus longtemps. Et apparemment, c'est vraiment la consommation a explosé ces 10 dernières années de ce genre de médicament. Ouais. L'humanité cherche constamment. Alors c'est comme pour tout. C'est qu'est-ce que vous visez comme objectif, hein, d'accord? Il y a des addictions. Alors faut s'intéresser aux addictions. Mais je veux dire, si vous voulez être mou à rien foutre, comme un nègre, bah vous fumez du cannabis en gros. Mais si vous voulez être boosté pour être très actif, vous allez aller vers d'autres types de trucs, même des trucs qui ressemblent plutôt même à des médicaments. Mais il y a toujours quelque chose. Vous allez, les Français, vous regardez les prescriptions, il y a énormément d'anti-anxiolytiques. Les médecins en donnent à bloc. Les médecins ne disent jamais non. Ils disent, ouais, je me sens, j'ai un coup de mou. Vous avez un coup de mou. Un peu d'antidépresseur, là, monsieur, c'est rien, ça. Allez. C'est une dope, c'est de la dope. Sauf que c'est pas de la dope comme vendue comme nous on l'imagine, c'est-à-dire l'héroïne, le crack. Mais c'est vraiment de la dope, c'est vrai pour vous tenir. Donc en fait, les gens se droguent, tout le monde se drogue. La caféine, c'est de la drogue. C'est la moins méchante des drogues, la caféine. Mais c'est quand même de la drogue, d'accord? C'est un additif pour nous donner de l'énergie. Moi, le matin, j'ai besoin de mon café. Si j'ai pas de café le matin, moi, j'arrive pas à avancer, quoi. Il me faut absolument ma dose de caféine, quoi. J'arrive pas sans. Il y en a, c'est la théine. Bon, c'est chacun son truc, mais je veux dire, voilà. Donc, bon, vaste discussion. Donc, je dirais plutôt, il faut toujours mettre en regard par rapport au danger pour la santé immédiat. Je pense quand même que le tabac est dangereux pour la santé, mais il est surtout dangereux quand vous le couplez à d'autres choses. Alors, si vous vous retrouvez dans une zone où vous êtes en train de consommer beaucoup de tabac, beaucoup d'alcool, là, c'est très mauvais, par contre. Là, c'est très mauvais. Les deux, c'est presque létal, quoi. Donc, voilà. L'alcool, c'est vraiment affreux. C'est vraiment quelque chose qui a consommé à forte dose et régulièrement. Ça détruit le corps, le cerveau, ça le rend spongieux. C'est vraiment quelque chose, il faut faire très attention avec l'alcool. Et en plus, c'est très addictif, l'alcool. Il y a des gens qui tombent dedans sans s'en rendre trop compte. Mmh. Et y a des coins de France où c'est une hécatombe. Hein. Où ça? T'as des idées, hein? T'as des... Ah bah la Bretagne. Alors la Bretagne, oui et non, en fait. Je parle un petit peu d'autorité. J'ai des témoignages de première. Ah oui, oui, non, attention, attention. Des gros, gros problèmes de gens qui ont. Non, il y en a, mais c'est pas endémique comme on pourrait surtout comme ça l'a été, parce que la Bretagne a souffert de l'alcoolisme vraiment, surtout dans la première moitié du 20e siècle. Où là, t'avais vraiment des gens en état d'ébriété, je veux dire, bourrés sur la voie publique, tu vois. Je veux dire, les mecs bourrés, quoi, comme on s'imagine. Ça, aujourd'hui, c'est des... Alors, attention, il y a des comportements morbides, mais comme je disais, aujourd'hui, il y a des comportements morbides qui peuvent être réorientés. Donc, ce qu'on va voir en Bretagne, et ça, c'est très bien au plan... Alors, je vais vous le dire, parce que j'ai les données brutes. Hein. En fait, les zones d'addiction forte en Bretagne sont les zones de fort vote à gauche. Et c'est pas un hasard. Alors, je corrige, je vais pas dire, c'est parce que quelqu'un vote à gauche que c'est un alcoolique, c'est pas ça. Ça veut dire que vous avez là des populations qui sont mal, y a un malaise social très fort depuis longtemps, et voire héréditaire. Alors, quelle est la part presque génétique? Bonne question. Quelle est la part de traumatisme passé? Autre question intéressante. Est-ce qu'il y a des schémas familiaux qui se répètent? Autre question intéressante. Mais c'est héréditaire et ça se répercute. En revanche, ces pathologies sociales évoluent. C'est-à-dire que ce qui était très fortement alcoolisé jadis évolue vers, effectivement, les antidépresseurs, d'une manière générale, la drogue, bien entendu, ou de nouvelles formes de drogue. D'accord ? Donc, paradoxalement, le vieux poivreau breton qu'on pouvait connaître va se muter en consommateur de shit coke, au 21e siècle, vous voyez, mais le problème sous-jacent reste le même, vous voyez. Mais ça, c'est intéressant, mais c'est pas toute la Bretagne, hein. C'est vraiment des zones tout à fait particulières et qu'on peut situer, hein, assez bien, grosso modo, hein. C'est essentiellement les Côtes d'Armor. Alors, je vais pas dire que tout est dans les Côtes d'Armor et rien à côté, attention, hein. C'est des tendances de fond, je veux dire, hein. Mais on est autour de Guingamp, sans rire, hein. Saint-Brieuc, Guingamp. On descend un peu sur Carré, là, vous avez cette espèce de courbe où vous avez des comportements morbides très, très radicaux, et c'est là où vous allez trouver les zones les plus rouges. Et c'est là où se trouve Carnac, qui a défrayé la chronique avec son histoire de migrants, et on a vu ces espèces de cohortes de zombies de gauche ou d'extrême gauche défiler pour exiger que cette commune de 2000 habitants accueille 500, 600, 700 Africains. Voilà, donc là, on est dans l'aliénation profonde, la pathologie héréditaire, la marginalisation sociale, etc. Donc, on a affaire à des pauvres types, en fait. On a affaire à des pauvres types. C'est ce qu'on appelle plus classiquement une fin de race. Donc là, on est vraiment dans la zone de fin de race. Mais attention, c'est pas vrai partout, je veux dire. Vous allez peut-être trouver d'autres zones intéressantes. Douarnenez, ancien port communiste. Avec beaucoup de misère sociale jadis, mais voilà, vous allez retrouver des petites poches comme ça, mais c'est pas vrai partout. Donc vous n'allez pas retrouver ça absolument partout. Hein. Il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus normal, je veux dire, il y a pas de truc aberrant que vous allez croiser, quoi. Donc c'est intéressant ça, parce que c'est vraiment couplé avec l'histoire du pays en question, hein, et parce que par exemple, toutes les zones que je vous ai écrites là, c'était les zones républicaines durant la Révolution. C'est-à-dire que pratiquement toute la Bretagne était chouanne. et contre-révolutionnaire, sauf les zones dont je vous ai parlé. C'est marrant quand même, je veux dire, il y a vraiment des permanences. Alors, je connais pas la sociologie, pardon, dans la France, c'est Nogaret qui disait ça, je sais que dans la France, il y a des gros problèmes d'alcoolisme et de misère sociale, mais je connais pas bien la sociologie, donc je pourrais pas dire quand ça a commencé, est-ce que c'est... Voilà. Et dans la zone où j'en ai parlé, là, en Bretagne, c'était les zones qui, au XVIIe, XVIIIe siècle, donc avant la Révolution, étaient déjà très anticléricales aussi. Parce que le clergé lui-même faisait n'importe quoi. Vous voyez, c'était caricaturalement. Par exemple, dans la région que je vous ai citée, là, les moines étaient connus pour être des poivrons ambulants. c'est assez... je veux dire, c'est des permanences, quoi. Voilà. Ouais. Le nord de la France, je connais pas. Donc, je sais pas si quelqu'un peut... Nogaret, toi, tu connais peut-être un peu plus ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est... Oui. Le nord de la France, c'est assez fortement touché. Alors... On peut mettre derrière différentes raisons, notamment le processus de désindustrialisation menant à un chômage fort, les gens qui n'ont plus rien, que ce soit pour s'occuper, pour vivre, plus d'horizon, donc ils tombent, comme tu l'as dit, dans l'alcool, dans les drogues, etc. Donc voilà, c'est des zones où c'est pas forcément très agréable d'y vivre. Il y a d'autres choses qu'on pourrait soulever, mais voilà, je trouve que la question de l'alcool est aussi assez intéressante, puisque en parlant avec différentes personnes qui, eux, sont sur la question de la drogue, vont être tout à fait radicales, comme nous on peut l'être, c'est-à-dire une interdiction pure et simple, ils vont quand même défendre l'alcool en disant « oui, mais c'est culturel ». Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que culturellement, on boit un petit peu, on boit un verre, on boit en famille, etc. On ne se déchire pas la gueule matin, midi, soir. Ouais. Exactement, voilà. Et ça, je trouve que c'est parfois quelque chose qui manque dans la réflexion, c'est de dire très bien, l'alcool, pourquoi pas, mais voilà, quand on voit que dans les écrits de Céline, il y a déjà des références à ça, qui lui détestait l'alcool parce qu'il avilissait le peuple, à juste titre, hein, il voyait ça, c'était très vrai. Je pense que voilà, la question du tabac, moi c'est, comme je l'ai dit, hein, j'ai pu en prendre fut un temps, je ne conseillerais pas d'en prendre pour des questions de testostérone, pour revenir à l'article de base, mais voilà. Manger de la viande rouge, soulever de la fonte, c'est ça, à la place, oui. Je sais pas. Non, oui, par exemple. Non, mais bien sûr, mais voilà, je pense que il faut réussir à se trouver d'autres palliatifs, d'autres choses. C'est pas forcément évident, hein. Il y a des gens sous gros stress, ils ont besoin d'un truc assez puissant. Hein. C'est sûr. Et comme tu le dis, par exemple, sur les antidépresseurs, c'est tellement donné avec désinvolture que les gens ne voient pas le danger. Ils vont se dire tu sais, moi j'en prends que un de temps en temps, sauf qu'ils ne voient pas l'accoutumance, l'addiction, ce genre de choses. Donc je pense qu'effectivement il y a un effort de manière générale à faire pour dire il faut limiter au possible la prise de ces choses. Et ou alors pour le café, le tabac, etc., rester très modéré. La modération, ce ne sera pas forcément parfait, mais ça restera dans un cadre acceptable. Moi, le café, là, j'ai du mal. Moi, je bois facilement un litre de café par jour. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je suis un énervé. Hein. Oui, moi je suis un assez gros consommateur aussi de café, j'essaye quand même de me modérer, disons, mais sinon pour revenir un petit peu sur les drogues, c'est une question en effet qui dépasse le seul cadre de l'individu. Je pense que s'en prendre aux dealers, au réseau plus qu'aux consommateurs est une meilleure idée, parce que les consommateurs c'est une course infernale, on court toujours après, alors que les dealers ont fini par les attraper et les pendre quand on veut, quand on veut, bien entendu, et surtout je pense que c'est pour ça aussi on pourra le développer, mais que le Sahara était central, puisque c'est la plateforme où la drogue passe, quelles que soient les drogues. Et le tabac aussi. Oui, bien sûr, mais la Colombie, pour résumer sur le la cocaïne, ça passe par le Sahara, tu l'as dit, pour tout ce qui était le cannabis, et avant que l'Afghanistan soit aux mains des talibans et qu'il y ait une chute de la production d'héroïne, puisque le pic de production d'héroïne, c'était pendant que les États-Unis y étaient, ça c'est quelque chose de très documenté, la CIA, avec l'aide de mercenaires, s'est fait de bons bénéfices dans la drogue. Donc, ah oui, mais ça il faut l'informer. Les réseaux de renseignement, enfin les services de renseignement internationaux se financent par le trafic de drogue. Si les gens ne savent pas ça. Et les transactions passent par les grandes banques américaines et enfin toutes les grandes banques type la JP Morgan, Suisse, tout un tas de banques qu'on nous prétend blanches comme neige et qui ont le droit de tout regarder si vous voulez ouvrir un compte chez eux. Ils doivent tout connaître de vous, la marque de vos slips, mais par contre ce qu'ils font. Voilà, ils ont du linge sale avec toute la pègre, la pire pègre et les services secrets. Parce que évidemment, ils rendent service à tout le monde, donc c'est ça le truc. Par exemple, il faut savoir ça, la French Connection, en fait, c'était pourquoi c'est la French Connection? Pourquoi ça passait par Marseille, ancien port colonial? Mais c'est parce que c'était le port colonial qui connectait la France à toutes ses colonies, notamment l'Indochine et donc Cambodge, Laos, qui produisait l'héroïne, une héroïne extrêmement pure, de très grande qualité. Donc on pouvait couper derrière. Et qu'est-ce qui se passait? C'était que le SDES gaulliste faisait sa marge là-dessus. Donc il y avait un jeu entre le gaullisme organisé, la pègre corse, puisque les Corses avaient une présence en Indochine, puisque les Corses avaient fourni beaucoup de fonctionnaires dans l'administration coloniale, donc ils avaient des antennes sur place. Et c'est pour ça que ça s'est fait. Et donc la pègre italienne, donc vous avez compris, c'est la pègre italienne de New York avec la pègre corse, parce qu'ils sont quand même très proches. Enfin, je veux dire à la fois géographiquement et culturellement. Je veux dire corse, italien, sicilien, ils ont une, enfin c'est une ère culturelle assez cohérente. Et c'est pour ça que ça se passait comme ça. Voilà, c'est ça la French Connection en fait. C'est le SDES qui se finançait avec de l'héroïne de très très bonne qualité. Alors les Américains avaient une autre route, parce que ça passe aussi par la Thaïlande, Bangkok, via les vols incessants de l'armée américaine entre Bangkok et les États-Unis, quoi. Voilà, enfin bon, bref, mais ça c'est vieux comme le monde. L'Afghanistan c'était la même chose. On découvre absolument rien, quoi. C'est parce que en fait, les services de renseignement sont des entreprises. C'est ça qu'il faut expliquer. Ce sont des entreprises qui ont besoin de générer du cash pour financer leurs activités. Au bout d'un moment, vous ne savez pas si ce sont des services de renseignement qui ont ces activités pour se financer, ou en fait, si c'est ces activités qui justifient en fait l'existence du service de renseignement. Mais en gros. Oui, et la politique de la maison, souvent, c'est d'en dire le moins possible aux politiciens. Donc, ils ont besoin de trouver du cash d'une manière détournée pour ne pas jamais avoir à venir devant. Demander de l'argent, en fonction du pays, pour leur demander des sous. Parce que dans ce cas-là, ils devraient rendre des comptes. Parce que bon, même si tout le monde sait ce qu'on pense de la démocratie, souvent, il y a quand même un travail parlementaire qui est fait quand on leur demande des sous. Ils essayent de poser quelques questions pour pas passer pour le troll et dindon de la farce devant leurs électeurs. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé aux États-Unis au début des années 60. Il y a des grosses suspicions sur le fait que la pègre se soit débarrassée de Kennedy, puisque comme il commençait à mettre son nez dans leurs affaires, la CIA, qui allait de fiasco en fiasco, notamment la baie des cochons en 61, et ben la pègre et la CIA, c'est la même, c'est des juifs. C'est des réseaux les uns les autres. Voilà. Même le père Kennedy, c'est bon, il ne faut pas se payer de mots. Kennedy, c'était la mafia irlandaise. Donc, c'était pas qu'il était plus blanc que les autres. C'est simplement des réseaux qui s'affrontent parce qu'à un moment donné, ils sont en désaccord sur tel ou tel truc. C'est pas que Kennedy était un ange ou je sais pas quoi. Kennedy, c'était son père était un énorme mafieux. Le père Kennedy. Alors, le père Kennedy avait beaucoup de qualités parce qu'il était quand même pro-hitlérien et anti-intervention américaine. Il était ambassadeur en poste en Grande-Bretagne. Il disait de toute façon, ceux qui veulent la guerre contre l'Allemagne, c'est les Juifs. Il parlait comme ça. Hein. Le père Kennedy parlait comme ça. Hein. C'est vraiment un homme de qualité. Mais ils étaient bien, hein, ces gens. oui, mais enfin, par ailleurs, en fait, le business de Kennedy père, donc, c'était la prohibition. Donc, les Irlandais, je vous passe le détail, mais les Irlandais, bon, ils fabriquaient du whisky en Irlande, ok. Et il la faisait passer au Canada. Et du Canada, il la faisait passer aux États-Unis, notamment à Chicago. Voilà. Et ils se sont fait des fortunes comme ça. Okay, c'est comme ça que ça marchait. Donc les gars, ils avaient un pied en politique, ils avaient un pied dans le business. Et comme c'était la diaspora irlandaise, ils avaient un pied partout. C'est-à-dire qu'ils étaient aux États-Unis, ils étaient en Irlande, ils étaient en Grande-Bretagne, ils étaient au Canada, ils étaient partout, les mecs. Donc ils étaient très puissants. La mafia irlandaise était très puissante. Et on pouvait aussi bien les retrouver dans des ministères qu'au coin de la rue. Donc bon, il y a des films là-dessus, voilà, mais à un moment donné, en fait, les Kennedy, c'est qu'ils se retrouvaient en butte à d'autres gens qui avaient d'autres idées sur d'autres sujets. Bon, Kennedy fils a refusé de... Le gros truc, en fait, c'est Kennedy... Kennedy, en fait, a voulu, grosso modo, protéger le standard or, en gros. Donc il a dit, vos trucs là, si on se lance dans ce que vous voulez au plan militaire, on va construire des bases partout, ça va nous coûter une somme folle, on tiendra jamais au plan financier, on sera obligé d'abandonner le standard or, etc. Blablabla. Les autres n'en ont rien eu à foutre, ils ont dit c'est ce qu'il faut faire. Donc comme il a fait de l'obstruction, c'était pas que le mec était anti-guerre ou quoi, c'est qu'il y a eu un arbitrage, c'est en gros, est-ce qu'on s'étend partout ou est-ce qu'on reste dans des... Bon, on a expliqué à Kennedy qu'il fallait absolument... passer dans une phase d'expansion généralisée. Quoi. Voilà. C'était pas spécifiquement lié au Vietnam, c'était pas uniquement l'affaire du Vietnam, c'était une conception générale. Voilà. L'armée voulait s'étendre, elle avait besoin d'argent, mais on pouvait pas concilier l'expansion militaire et la conservation du standard or. Et effectivement, il y a eu l'expansion militaire et le standard or est devenu complètement obsolète au début des années 70, ce qui a fait abandonner les talons or par les États-Unis, et donc on est rentré dans l'ère, dans une autre ère monétaire. Mais c'était quand même des désaccords profonds sur la politique à mener. Voilà, c'est pas que Kennedy était moins anticommuniste, il était anticommuniste, c'est pas qu'il était complètement opposé à... Voilà, parce qu'il a quand même, je veux dire, au Vietnam, il a quand même accepté un certain nombre. C'était pas trop ça, c'était plus au niveau de qui donne le ton, en gros. Est-ce que c'est l'expansion militariste ou non? Voilà, c'est ça qui lui a coûté la vie. Alors après, il y a des théories sur. Je veux dire, on parle de Kennedy, on parlait du tabac, on arrive à Kennedy, mais c'est marrant parce qu'on arrive dans des réseaux du coup de ceux qui font la pluie et le beau temps et ceux qui ont tué Kennedy. C'est un peu tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on sait que avec un gros degré de certitude que tu as des professionnels de l'armée américaine, une unité de Rangers me semble-t-il, qui ont participé à l'assassinat, donc des tueurs très très professionnels. Il y a des mafias corses qui ont joué un rôle aussi, en passant par le Mexique. La CIA... à jouer sa part. Bon, c'est un peu tout le monde. C'est quand on cherche, est-ce que c'est la CIA, est-ce que c'est la PEG, mais c'est un peu tout le monde. Et l'extrême droite, on a cité l'extrême. Oui, il y a eu aussi des gars d'extrême droite qui eux étaient purement anticommunistes. Mais chacun avait son motif en quelque sorte. C'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre, ils avaient une conception générale. Et ensuite, il y avait des petits intervenants, des petits intermédiaires. Et donc, il y avait une partie de l'extrême droite qui était anticommuniste et qui voulait absolument intervenir contre les communistes. Donc ça, c'était un élément. Il y avait des militaires qui étaient, des professionnels les Rangers, etc. Bon, ces gars-là, c'était des nationalistes américains purs et durs, et eux, ils voulaient en découdre avec les communistes, avec les soviétiques, et eux, ils voulaient pas de frein. Donc on leur dit Kennedy est un obstacle, c'est un obstacle. La CIA, bon, bah les mecs disent bon, il est gentil Kennedy, mais la politique étrangère, maintenant, c'est notre domaine. Voilà, le président, il est bien gentil, mais qui reste dans son domaine. Vous voyez, donc c'est des luttes de pouvoir, voilà. Mais au fond, on reste toujours sur les mêmes histoires de réseau, donc de financement, avec la drogue, voilà. Et ça peut être pour le tabac, ça peut être pour la traite des blanches, ça peut être pour la CAM, ça peut être pour la criminalité en col blanc, c'est absolument tout, quoi. Hein, c'est ça, quoi. C'est la démocratie, quoi, en marche. Alors, messieurs, discussion intéressante, mais poursuivons rapidement sur les dons. Comment dire, Alpineur, bonjour Randolph et aux autres démocrates, un nom de 01 Monero vous a été envoyé, merci encore pour la qualité de vos interventions, je vous remercie d'avoir gâché le week-end de Chan, Nose, Seban, soutien à Vincent, bien sûr on pense à Vincent, et c'est signé Alpineur. Don numéro 5, bonjour à l'équipe de DP, je viens de vous faire un don de 1,2 Monero, presque 3 Monero d'ailleurs, 1,3 Monero, merci un paysan gaulois, c'est bien peu face aux sommes colossales volées aux Ariens travailleurs, puis dépensées chaque année par les juifs dans les scandaleuses opérations de rhinoplastie, c'est très bien observé. À ce sujet, je me disais, la grosse Youpin Shannon Seban, qui a déposé plainte parce que les gens ont vu son nez, si elle monte dans un voilier, faut-il aussi hisser le phoque ? Je demande un débat sur les antennes de DP. Bon courage à vous, à plus. Et écoutez... En tout cas, il n'y aura pas de défaut d'encre avec Shannon à bord d'un bateau, c'est tout à fait entendu. J'ai vu un message amical circuler, c'est Yvan Benedetti que je salue au passage, qui m'a fait, alors indirectement, parce que je suivais son fil d'actualité sur Twitter, et qui faisait remarquer que l'amour filait doux, il y a un filtre d'amour en action entre Meir Habib et Jean Messia, donc Ossam Messia, les deux s'envoyant des likes, des cœurs sur Twitter, au vu et au-dessus de tous. Ah, c'est beau cette alliance judéo-égyptienne, ça m'émeut. je dis ça au passage, et finalement, c'est peut-être le nez d'explication, hein, puisque monsieur Messia est aussi. Sa compagne est juive. Donc voilà, le Nil, le Jourdain. Tout ça est vieux et neuf en même temps. Je sais pas comment dire. Tu vois, moi j'allais dire Monsieur Messia allume la lumière chez Monsieur Habib. Oui, mais ils vivent pas sous le même toit et surtout pas dans le même pays, c'est ça le problème. Tu vois. Enfin bon, sauf à moins que Monsieur Messia soit installé dans la banlieue de Jérusalem, mais j'en suis pas tout à fait sûr, quoi. Mais c'est marrant, l'Antiquité, hein, ça perdure, hein, quand même. Hein. Ça perdure, quand même. Bah, sauf qu'avant, quand même, les Juifs et les Égyptiens avaient quand même l'élégance de vivre en Égypte et en Judée. Alors que maintenant, c'est quand même un peu à Paris, quoi, tu vois. Donc c'est bon. Petite déception, là, petite déception. C'est à cause du réchauffement climatique, ils sont obligés faut de croire. Monter en latitude. Ouais, non mais je pense que c'est vrai. Moi, je pense qu'on a besoin d'un refroidissement climatique, d'une nouvelle ère glaciaire. Oui. Mais alors carrément au niveau de Malte, hein, je veux dire les glaciers. Je veux dire là, c'est qui descendent très très bas. Non mais je veux dire, on n'en peut plus quoi. Non mais c'est vrai quoi, c'est Paris quoi. Il y a que des Juifs et des Libanais quoi. C'est pas possible quoi. Il y a que ça quoi. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça, quoi. Bref. Voilà. Enfin, bon. Paysan gaulois, je vais me pencher sur cette question de navigation. Ça m'intéresse. Alors, nous avons une question du roi Dagobert, vite fait aussi. Bonjour. Il y a un moment que je vous suis avec avidité et je désirais vous faire un envoi, donc un soutien financier. Malheureusement, une fois l'adresse de votre portefeuille insérée et lorsque je clique sur « Send », donc « Envoyer » en anglais, MyMonero se ferme instantanément et aucune trace de transaction. J'ai répété le scénario plusieurs fois et l'issue est toujours la même. Avez-vous eu vent de ce phénomène par d'autres donateurs ? Y a-t-il un souci avec l'adresse de votre compte ? Alors, je ne sais pas pour MyMonero, cher Dagobert, mais j'ai une alternative pour vous. Car il n'existe pas que MyMonero. Il y a d'autres wallets qui sont disponibles avec MyMonero. Alors, pour les ordinateurs de bureau, donc typiquement PC, Windows, hein, mais aussi Mac, Linux ou sur Tails, vous avez Feather Wallet, j'appelle FeatherWallet. Feather, donc plume en anglais, wallet, bah comme un wallet. Pour les iPhones, c'est Cake Wallet. Et pour Android, c'est MoneRuro, j'appelle MoneRujo. On mettra les liens prochainement pour faire un rappel. Donc si MyMonero, pour X raisons, ne fonctionne pas, il y a des alternatives, comme wallet, pour faire des transactions avec Monero. Voilà. Donc, pas de panique à ce niveau-là. Donc, le truc est toujours le même, hein, c'est que vous achetez des Monero sur Kraken, vous les envoyez sur votre wallet personnel et de votre wallet personnel vers le nôtre. L'adresse qu'on met constamment en lien. Donc j'ai répondu bien évidemment au roi d'Agobert, je lui ai envoyé les liens, et s'il a une question, qu'il vienne vers nous. Mais il n'y a pas que My Monero comme portefeuille Monero. Hein. Alors, cette semaine, c'est un gros sujet, c'est les réactions au courrier des lecteurs qu'on a vu la semaine précédente, du chat blanc, qui nous disait, voilà, j'ai fait mon alia en Moselle pour vivre au milieu des Blancs, dont il est originaire, hein, explique-t-il, hein, il est originaire de Metz, il était à Paris, et malheureusement, il découvre en fait qu'il y a presque plus de Parisiens à Metz que de Parisiens à Paris. Je parle des Noirs, en fait, et des Arabes. Donc, il est choqué, il ne sait pas comment faire, il nous pose toute une série de questions, etc. Sa compagne aussi, qui atteint un heureux événement, et on le félicite encore. Pour ça, parce que, c'est un très bel acte colonial que de faire des enfants blancs en France. N'hésitez pas à l'imiter. Alors, premier courrier, en réaction, hein. Donc voici. Bonjour et merci pour votre émission qui me fait attendre le mardi avec impatience pour échapper quelques heures à la propagande bien pensante diffusée partout. J'ai repris à mon compte le mantra d'un auditeur qui disait « C'est mardi, c'est démocratie ». Je me permets de réagir au courrier du camarade démocrate Chablan. Alors, j'ai vécu dans le coin en pointillé pendant 20 ans et bien entendu, la situation s'aggrave, comme partout. En effet, Metz, comme la plupart des villes, est bien polluée, donc sous-entendu racialement, tout le monde se comprend, comme indiqué par le message d'un précédent auditeur. Pour donner une idée du niveau, lors des dernières émeutes, les halogènes ont incendié le Quick, donc le fast-food halal, situé au bord d'une des cités de l'agglomération Messine. Ou alors, s'agissait-il d'un coup pour profiter de l'assurance ? On ne le saura probablement jamais. N'oublions pas non plus que c'est une ville traditionnellement très franc-mac, et ne s'en cache pas. Ceux qui ont déjà vu leurs bâtiments sur les hauteurs de la ville comprendront, voire en pièce jointe, ce qui pourrait déniaiser les derniers croyants en la sacro-sainte révolution de 1789. Alors donc, effectivement, il y avait une pièce jointe. La désertification du centre-ville due aux centres commerciaux en périphérie et la lutte bobo-écolo contre les voitures amène un contraste étrange entre hordes de Libano-Antillais, Bougnoules, Nègres et les personnes assez à l'aise pour habiter dans les quelques rues cossues. Ce n'est pas mieux du côté de la gare, voulue par Guillaume II, magnifique gare, il faut le dire, qui doit se retourner dans sa tombe. Quant à l'idée de s'installer ailleurs, pourquoi pas, mais ce n'est pas évident. On va y revenir, il y a d'autres courriers des auditeurs avec beaucoup plus de précision justement sur cette question. La frontière luxembourgeoise est hors de prix, mais si on travaille au Grand-Duché, donc au Luxembourg, où les salaires sont nettement supérieurs à la France, sans compter les aides sociales, nombre de personnes travaillant au Luxembourg habitent justement jusqu'à Pont-à-Mousson, voire Nancy, et se tapent les bouchons tous les jours. C'est notre joyeuseté, effectivement. Il faut aussi garder à l'esprit que le Luxembourg est protectionniste. Si l'économie tout saute, les Français sont les premiers à dégager. L'Allemagne est à ses côtés aussi, moins attractive, mais la frontière est peuplée en partie non négligeable de Turcs. Je ne parle pas de la vallée de la Fensch, entre Metz et Thionville, et où se trouvait autrefois l'industrie sidérurgique, et où le grand remplacement n'est pas qu'un sentiment avec les conséquences qu'on connaît tous. Bon courage à Chablan et aux derniers résistants, car j'ai l'impression que nous sommes de moins en moins nombreux. Une pensée également pour Vincent Renoir, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Merci à toute l'équipe et bonne continuation dans ces temps difficiles. Je sais mon courrier long et mon excuse. Salutations sincères à vous tous et à la victoire. Et c'est signé Patatovin. Alors merci Patatovin pour ce premier courrier. Deuxième courrier donc d'un autre auditeur. Toujours en réaction. Hein. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à vous. Je vous écoute toutes les semaines et vos émissions ont toujours quelque chose de salvateur, de par le plaisir d'entendre enfin un discours en harmonie avec ce que je pense et aussi de par la grande pertinence des lectures de l'actualité que sait faire l'Obersturm Bahnführer Gandalf. C'est très flatteur, quand même. Je ne mérite peut-être pas autant de remerciements, mais bon, je les accepte quand même avec grand plaisir. Suite à votre dernière émission, je me permets de vous écrire pour apporter quelques lignes de réflexion à Chablan sur le choix délicat d'un lieu de vie pour élever son enfant. habitant près de Mulhouse, ville racialement, politiquement et religieusement effondrée. J'ai eu l'occasion, il y a une quinzaine d'années, de travailler en Moselle. Il y a bien sûr des villes à éviter. Metz, malgré son charme germanique indéniable, Thionville, Sarreguemines, Saint-Avold, Morhange. Si la région frontalière avec le Luxembourg est en effet plus épargnée, et encore, il y a une possibilité moins onéreuse, qui est la Moselle. Elle demeure une région rurale, avec nombre de petits villages, qui eux résistent encore au grand emplacement. Le village d'Abelstroff, excusez-moi pour mon terrible accent alsacien ou germanique, je m'en excuse. Bon, il y a plusieurs accents germaniques, bien entendu, mais... Donc à la frontière du Bas-Rhin, et où je me rendais régulièrement, fait partie de cela. Cela reste bien sûr à vérifier, car la situation a pu changer. Le mieux est sans doute de se rendre sur place et d'observer. Une autre alternative pour Chablans serait l'Alsace. Là encore, je ne parle pas, bien sûr, de Mulhouse, et encore moins de Strasbourg, ni même de Colmar. Je parle des villages situés au pied des Vosges. Et voici quelques-uns pour l'exemple. Mais il y en a plein d'autres. Wattwiller, Wünheim, Uffholtz, parmi d'autres. Hein. Des villes comme Bar ou Obernai, dans le Bas-Rhin, peuvent aussi être des alternatives intéressantes. Tous ces lieux présentent l'avantage d'échapper à la colonisation des métèques sans être éloignés des services des grandes villes. Un matin, alors que je rentrais d'un trail, dans les Vosges, sur les coups des midis, dans le village de Wattwiller, je tombe sur un petit cortège d'une trentaine d'élèves d'école primaire se rendant sans doute à la cantine. Le croiriez-vous ? Il n'y avait quasiment que des têtes blondes. Je n'ai vu, en tout cas, aucun indésirable de couleur. Ce spectacle m'a fait plaisir et redonné espoir. J'ajouterai enfin une dernière possibilité pour Chablans, le Zundgau, littéralement le Gau du Sud. Le Gau, la subdivision... du Troisième Reich, n'est-ce pas? Ça donne des bons souvenirs. Oui. Ah, quelle nostalgie. Je pense que j'ai vécu dans le Troisième Reich dans une vie antérieure. Il y a quelque chose comme ça, ça ne s'explique pas autrement. Alors, qui reste lui aussi à peu près préservé et où demeure un vivier un peu plus présent qu'ailleurs de nostalgiques de la grande époque germanique? J'en veux pour preuve le nombre de bourses militaria qui ont lieu dans cette région. Ceux qui s'y rendent ne sont en général ni nègres, ni marrons, ni communistes. Si ces quelques données peuvent aider Chablans, alors tant mieux. Je lui présente, en tout cas, tous mes vœux de bonheur pour ce bel événement et respect à toute l'équipe de DP. Si Kyle, et c'est signé Siegfried88, qui est plus qu'un simple auditeur, il comprendra parfaitement ce que je veux dire. Toutes mes amitiés, toute ma considération, vraiment, vous faites un travail extraordinaire. Alors, troisième réponse. Chablans, tu suscites la solidarité blanche, ça fait plaisir. Chers démocrates, bien le bonjour. Je vous envoie ce courriel suite à l'appel lancé par Chablans. Ma femme et moi-même, ayant eu l'occasion de fréquenter un temps la région Lorraine, nous avons eu des questionnements assez similaires sur la manière d'accueillir nos enfants dans ces contrées. Les villes du Grand Est sont en effet malheureusement assez sinistrées, et je me vois encore dans ma voiture alors que j'attendais mon épouse, qui avait un rendez-vous obligatoire dans une grande maternité, compter avec une fébrilité certaine le nombre de négresses, beurettes et autres races non identifiées franchissant la porte de l'établissement. Sans rire, j'avais devant les yeux un véritable balai de pachydermes marrons entrant ou sortant du bâtiment toutes les 5 à 10 minutes. En plus de la hantise de se retrouver le jour J entouré de pondeuses halogènes, se posait également la question des praticiens venus du tiers-monde. Il n'est en effet pas rare de trouver dans nos hôpitaux français des obstétriciens dont le taux de mélanine est sans doute proportionnel à la brutalité de leurs accouchements. Lors de nos pérégrination médicale. En vue de trouver le lieu idéal, nous avons eu droit à des médecins libanais ainsi qu'une femme médecin dont le nom exotique évoquait l'Amérique centrale, Dans une des maternités, je voyais avec effroi rôder un chef de service totalement noir et je croisais toujours les doigts pour qu'on ne nous colle pas un rendez-vous avec lui. Je vous passe aussi les anesthésistes d'Europe de l'Est qui, bien qu'européens, n'en sont pas moins glaçants quand ils vous égrènent froidement avec leur accent slave tout ce qui pourrait mal tourner. Paradoxalement, la majorité des sages-femmes étaient blanches. Enfin, nous avions aussi un questionnement important sur la manière dont se déroulent les accouchements modernes en France. Une hypermédicalisation, une multitude de rendez-vous dits obligatoires, des tests et prises de sang pour tout et n'importe quoi, une médecine statistique et psychorigide. À croire que votre femme est malade et non porteuse d'un heureux événement. Tout est fait pour que vous vous glissiez dans les rails créés par la procédure, pour que vous déléguiez toute votre responsabilité à la technocratie médicale. Or, nous avons bien vu, lors de la séquence Covid-19, qu'une partie des médecins ne fait pas du tout du soin individuel, mais de la gestion de malades supervisés par Big Pharma. Je ne sais, s'il y a historiquement quelques nécrochus derrière l'évolution de l'obstétrique en France, bien que les causes soient multifactorielles, cela ne m'étonnerait guère. À ce sujet, si la compagne de votre auditeur souhaite en savoir plus, la lionne helvétique Emma Cruzi, qui s'était positivement illustrée pendant la pandémie par son acharnement anti-covidiste, a fait une série de vidéos très intéressantes sur le sujet. Donc, elle s'appelle Emma Cruzi, E-M-A-K-R-U-S-I. Je pense que vous pouvez la trouver assez facilement sur Google, parce qu'elle a un site internet qui s'appelle de son nom, emmacruzi.com. Donc, elle a une section vidéo. Notre auditeur poursuit. Voici donc ce que je peux conseiller à votre auditeur. Vous pouvez premièrement essayer de vous rapprocher d'une maison de naissance. Ce sont des structures qui valorisent un accouchement dit physiologique, c'est-à-dire le moins intrusif et médicalisé possible, tout en étant situé à côté ou dans une maternité, au cas où, ces établissements sont très blancs car cette vision de l'accouchement est essentiellement propagée, et je le déplore, par des gauchistes de bonne famille et autres bobos. Il y en a une à 50 minutes de chez vous, référence Un nid pour naître à Nancy. Donc il y a un site internet, alors je vous le donne, hein, https://www. Alors Un nid pour naître, comme ça se prononce, hein, un nid pour naître.fr. Il y a des conditions d'accès, c'est-à-dire distance, si la grossesse est à risque ou non. Donc renseignez-vous. Vous pouvez vous amuser à regarder sur leur page Facebook les noms donnés aux bébés qui y sont nés. Vous y trouverez une certaine homogénéité. Alors sur Facebook, ça s'appelle tout simplement « Un nid pour naître ». Pas besoin de chercher plus compliqué que ça. Deuxièmement, visitez tous les deux, ensemble, donc le couple, hein, les maternités à Metz et alentour. Toutes les maternités organisent des visites. Renseignez-vous en les appelant. Vous verrez ainsi sur place la couleur du personnel et des patients ainsi que l'ambiance générale. Troisièmement, prenez connaissance des statistiques des hôpitaux de la région. Exemple, référence données 2021 du réseau périnatal Lorrain. Donc le réseau périnatal Lorrain. Alors ils ont un site internet également. https://www.réseauperinatallorrain.fr. Comme ça se prononce là aussi. Tapez ça dans Google, vous trouverez ça. Vous trouverez dans un... Alors, il nous cite un document, hein, donc là, c'est les statistiques des hôpitaux de la région. Hein. Vous trouverez dans ce document, en exemple, le nombre d'accouchements par hôpital, le taux de césarienne, le taux d'épisiotomie, etc., ce qui vous permettra de déduire quel lieu semble le plus qualitatif. Enfin, si vous vous informez suffisamment, tous les deux, et si vous le sentez, vous pouvez aussi tenter un accouchement à la maison suivi par une sage-femme habilitée. Bien que l'État communiste français mène la vie dure à ces sages-femmes courageuses, qui sont de moins en moins nombreuses, ça reste faisable et il n'y a pas plus de risque que dans un hôpital. Contactez celles les plus près de chez vous. Alors, en référence, ah oui, ça c'est un peu plus imprononçable, effectivement. Oui, je ne sais pas comment faire. Bon, je vais le donner quand même, hein. Je vais le décrire, hein, donc à vos crayons. Donc, https://flamingo, F-A, FLAMINGO-Mango, comme une mangue, hein, MANGO-CZ6J.Squarespace, donc SQUARESPACE.com. Il y a une liste apparemment pour les départements du 54 et du 67. Donc, repassez l'émission au ralenti là pour bien noter ce que je vous ai donné. Voilà pour mon message. J'espère vous avoir donné quelques pistes. Ne vous focalisez pas trop sur les descriptions négatives qu'il était bien sûr nécessaire de faire, car il existe tout de même encore des praticiens bienveillants et bien de chez nous. Soyez dans une optique positive, car l'anxiété n'est pas bon pour la grossesse. Vous trouverez forcément un lieu qui vous convient et une solution. Je vous souhaite le meilleur et beaucoup d'autres enfants. Merci également à toute l'équipe de DP. Signé Le Chant des Cigales. Pas mal ça, j'aime bien, j'aime bien. Alors, donc c'était trois courriers en réponse à suivre. Donc c'est assez dense, mais au moins ça permet de faire un peu le tour, à la fois sur la question géographique, la question de l'accueil des enfants, comment se renseigner, etc. Alors j'espère que ça aura été très utile, et j'imagine, hein, on peut en déduire, qu'on peut faire à peu près le même exercice intellectuel pour d'autres régions, hein, bien entendu. Hein. On peut fouiner de la même manière pour trouver des solutions alternatives. Hein. Il suffit juste de modifier un peu la zone géographique, chercher sur Google, voilà, en modifiant, et on trouve à peu près les mêmes solutions. Alors là, je ne sais pas si éventuellement nos participants ont quelque chose à rajouter sur tout ça, sur l'accueil de la vie blanche dans la région Alsace ou Moselle. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oui, alors je trouve que c'est probablement une très très bonne région. Tu l'as déjà mentionné la semaine dernière, c'est-à-dire que ça, c'est un peu à la croisée des chemins en Europe entre au nord le Luxembourg et la Belgique, à l'est l'Allemagne et au sud la Suisse, puisque parmi les adresses données par les camarades, il y a des lieux qui sont assez proches de la Suisse, par exemple. Donc ça aussi, c'est une assez bonne destination. Ils ont parlé du Luxembourg, mais si on trouve du travail en Suisse et qu'on habite en France, qu'on est frontalier, disons, eh ben ça peut avoir un intérêt. Moi, j'ai ouï dire de gens qui faisaient 1h30 de route de la Moselle vers la Suisse, voire jusqu'à Lausanne en Suisse. Donc, ça fait loin, mais si financièrement ça se justifie, ça permet d'éviter de donner trop de fric au système français. Donc, combien nos auditeurs font pas 1h30 le matin, 1h30 le soir en Île-de-France, je veux dire? Ah oui, de toute façon, l'Île-de-France, c'est tellement pourri que c'est très difficile de justifier de vivre en Île-de-France, vu qu'il faut faire beaucoup de temps de trajet pour aller travailler. Donc, oui. Et pour rebondir aussi sur l'aspect médical, je suis totalement sur cette ligne-là. D'expériences diverses, c'est une entreprise terroriste de la part de la médecine moderne d'avoir un enfant, c'est-à-dire qu'ils vont tenter de faire le plus peur possible aux parents avec tout un tas de tests, de prises de sang, que ce soit pour la mère, parfois dès que l'enfant est malade aussi, il subit des batteries de tests qui peuvent être relativement violentes pour un âge très bas, sans parler aussi du planning vaccinal, qui consiste à injecter votre gamin avec tout un tas de saloperies concoctées par nos amis juifs. Donc effectivement, faut avoir le cœur accroché, mais comme un des auditeurs mentionnait, on prétend que certaines des visites, enfin toutes les visites pour la femme enceinte sont obligatoires. Non. Moi, je sais qu'il y a des femmes en France qui font les idiotes et puis qui se rendent à 7-8 mois... De grossesse à l'hôpital pour dire ah au fait je suis enceinte, et puis bah il y a pas de conséquences aucune pour la femme. De toute façon, vous imaginez bien que les négresses, même si elles sont friandes de la médecine occidentale, elles sont pas à cheval sur tous les rendez-vous, toutes les prises de sang et ainsi de suite. Donc les Françaises peuvent très bien faire aussi à la carte, même si on leur dit que c'est obligatoire. Souvent, jouer l'idiot avec ces systèmes bureaucratiques permet d'éviter quelques petits soucis et de surtout de faire un peu comme on a envie, parce que on a vite tendance à, comme on est blanc et qu'on veut faire les choses correctement, on a vite tendance à se laisser influencer et à tomber dans les mailles du filet, alors qu'en fait il faut réfléchir un peu et faire attention à toutes ces choses-là. Mais bon, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, l'État est dans une entreprise de génocide du peuple français, donc faut pas vous étonner si vous êtes traité comme des malpropres parce que vous voulez avoir un enfant. Ça fait partie du jeu, disons. Donc faites ça, voyez ça plutôt comme un acte résistant et surtout qui fait bien chier les juifs. Donc Ah oui, ça fait, oui, ça allez-y les amis, allez-y les camarades, mettez vos femmes enceintes. c'est. C'est tout ce qui leur fait peur, c'est tout ce qui leur déplaît. Donc, faut pas se laisser débiner, faut pas se laisser terroriser par tous les obstacles qu'ils mettent entre vous et une belle famille avec des enfants sains, en bonne santé, qui vont bâtir l'Europe de demain. Oui, bien sûr. C'est toujours inquiétant d'avoir des gens marrons dans les hôpitaux. Hein. Moi, ça me. Ça, dans un autre registre, j'ai beaucoup à m'en plaindre aussi. Ce sont des dangers ambulants, en fait. Hein. Les gens marrons sont des dangers ambulants. Vous allez me dire, il m'apprend rien. Bien sûr, mais dans un environnement hospitalier, ça déstabilise un peu parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait. Donc oui, les gens marrons sont dangereux dans la rue, mais en fait ils sont tout aussi dangereux avec une blouse blanche. Hein. Donc Ah c'est mais faut désacraliser la blouse blanche. Même ah des oui, blancs qui ont de la absolument. blouse Oui, blanche, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ils ont subi un programme de lavage de cerveau de 8 à 12 ans. Et la plupart des choses qu'ils savent, c'est du délire. Hein. C'est Mais la vraiment. blouse blanche, c'est comme le pape, c'est-à-dire que ça renvoie à la pureté. Hein. C'est pourquoi ils ont une blouse blanche, c'est pour voir justement les impuretés. Et du coup, ça frappe l'imagination. Hein, et c'est vrai que la blouse blanche a un effet magnétique sur les gens. C'est-à-dire qu'il y a la position du sachant, n'est-ce pas? Et c'est très efficace. Hein, je veux dire, c'est jamais par hasard les uniformes, hein, d'une manière générale. Hein, c'est jamais par hasard. Hein, ça signifie une position d'autorité. Donc, mais il faut se méfier. On a vu avec le Covid, ça a été rappelé par les auditeurs. Avec le Covid, on a vu Oui. beaucoup de belles blouses blanches hein, sur les plateaux de télévision, nous jurer, qui ont été décorées par la suite par Macron, hein, Légion d'honneur et tout ce qui s'ensuit, en disant oui, mais c'est bon, le vaccin, ou là, vous allez voir, etc., plus de transmission, etc. Et puis, 3 mois après, tout ce qu'ils avaient dit était convaincu d'inanité. Bon, bah, ils n'ont pas perdu leur Légion d'honneur pour autant, et ils sont toujours dans leur position de responsabilité. Donc, en fait, très souvent, les médecins sont des escrocs, ou des cons. Et puis cette histoire de blouse blanche, c'est aussi vraiment un faux-nez, puisque la blouse renvoie à l'aspect expérimental de leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont censés être en contact, j'imagine, avec tout un tas de substances, des médicaments, du sang, et ainsi de suite. Or, la plupart des médecins Ils sont ne. distribués en fait. Hein. Voilà, ils font de la paperasse. Et d'ailleurs, c'est reconnu que la médecine moderne, c'est 30 à 40% de leur temps qui est passé à faire de la paperasse, à s'occuper de tout un tas de trucs administratifs, que la Sécu, cette espèce d'énorme pachyderme communiste leur impose, avec maintenant les ARS qui sont les agences régionales de santé qui sont de plus en plus puissantes et qui demandent de plus en plus de paperasse aux médecins. Donc, ils sont pas avec des tubes à essai à faire des expériences sur le terrain, à vérifier des études scientifiques qui ont été publiées récemment. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, il faut pas croire que ces gens, ils ont peut-être un peu plus d'expérience, évidemment, de la médecine. Ils ont quand même été confrontés à certaines situations. Mais il y a beaucoup de choses. Ils ont pas plus d'idées que vous sur un problème de santé que vous aurez. Ils sauront pas, ils vont hausser les épaules. Donc c'est sûr qu'il faut pas se laisser impressionner, faut pas non plus leur tourner totalement le dos. Je pense qu'il y a quand même des choses bonnes à prendre, mais il faut aussi faire ses propres recherches. Il faut réfléchir aussi personnellement quand on a des problèmes de santé, quand il y a des choses qui vont pas. Et puis il faut faire les choses rationnellement. Par exemple, toutes ces, pour revenir au sujet en question avec les sciences obstétriciennes, mesdames, quand vous êtes avec un homme de votre race et que vous êtes tous les deux en bonne santé, bah, votre progéniture, elle sera en bonne santé. Voilà. Si vous commencez à aller avec des nègres ou ce genre de créatures, ben là vous aurez des trucs qui vont commencer à merder parce que c'est pas fait pour aller ensemble. Donc ça c'est des choses de bon sens et souvent appliquer le bon sens aussi, éviter d'avoir trop à faire avec des médecins parce que parfois ils préconisent des choses qui sont plus dangereuses qu'autre chose. On parlait plutôt de la prise de médicaments. Parfois vaut mieux aller faire du sport, aller se balader en forêt, bien dormir, bien manger. Avec une alimentation variée et équilibrée, dont de la viande. Il faut quand même manger pas mal de viande. Il y a beaucoup de gens qui mangent plus de viande pour des raisons diverses et variées. Et ça suffit pour aller mieux, plutôt que de prendre des médicaments, des trucs qui vont complètement supprimer votre équilibre hormonal et mental, et qui empêcheront complètement toute rédemption. Oui, voilà. Le message avec parcimonie et avec réflexion, Le corps le système médical, quoi. médical. Le corps médical, ouais. Bah oui, ils sont convaincus de. Non, non, mais vraiment, je veux dire. Ils ont marché comme un seul homme derrière le covidisme. Le vaccin est une des plus grandes escroqueries du 21e siècle dans la sphère médicale. Si ce n'est la plus grande escroquerie. Sans précédent d'ailleurs. Bizarrement, cet énorme scandale, ce scandale gigantesque, est complètement étouffé. C'est-à-dire que où est la littérature sur le plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle? Je suis gentil, je dis même pas de l'histoire de la médecine moderne. Hein. Vous avez vu, je suis vraiment gentil. Hein. Il y a quelques livres, il y a quelques personnes, il y a quelques voix discordantes, mais grosso modo, où est la grande littérature universitaire pour passer un. Bon, oui, dans 30 ou 40 ans, on aura des gens très courageux qui le dénonceront, quoi. Voilà. Alors que c'était évident. Comme le nez au milieu de la figure, pour ceux qui avaient un peu de bon sens. Moi, je suis pas un scientifique, je prétends pas être un scientifique du tout. Mais vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour avoir du bon sens. Vous savez, c'est comment dire, c'est être en alerte, si vous voulez. C'est l'instinct de survie, quoi, qui vous parle, qui vient, qui vous parle en vous. Moi, j'ai vu le Covid-19, machin truc, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, on va tous crever. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me paraît pas raisonnable. Bon, et puis je réalisais le temps passé, il faut vous piquer, etc. Je ne me suis jamais fait piquer sous aucun prétexte. J'ai porté le masque, mais pas du tout par conviction, mais par obligation sociale autour de moi, ça je le confesse. Mais parce que sinon, je vous passe les détails, c'est bon. C'était pas tout à fait jouable là où j'étais. Mais en dehors de ça, j'ai absolument refusé. Et je m'en porte très bien, voilà, je vais bien, etc. Et je regarde toutes les histoires d'effets secondaires, de mutations, parce que les variants n'ont pas cessé. Attention, hein, attention. Hein. Parce que là, ce que nous font croire les médias, c'est que voilà, le Covid, c'est du passé. Attends, pas du tout. Le Covid se porte très bien. Merci pour lui. Il continue à muter, etc. Sous l'effet de la vaccination, ce qui a été longuement expliqué à l'époque dans l'émission, et aussi bien évidemment par des gens versés là-dedans, des gens pointus. Mais ça continue. Il y a des variants qui continuent à circuler, qui ne demandent qu'à exploser dans la population. Est-ce que ça explosera? Est-ce que ça explosera pas? On ne sait pas. J'en sais rien. Je suis pas devin. Ce que je sais, c'est qu'il fallait pas se faire vacciner. Pourtant, on a vu vraiment, mais toutes les voies autorisées bombarder les gens, et les gens ont cru. 90% des gens ont cru. Et si on refaisait l'exercice, 90% des gens croiraient à nouveau. Donc, bon, écoutez, il y a des gens qui sont faits pour se faire pigeonner, c'est comme ça, c'est l'évolution. Bon, hein, il y a du gibier, voilà. Le gibier est fait pour être du gibier, puis il y a les gens qui sont faits pour survivre. Donc, c'est vrai en tout dans la médecine, et moi je me retrouve complètement dans les propos de Jean. Très grande méfiance avec les blouses blanches. D'accord? Ça ne veut pas dire que toutes les blouses blanches sont néfastes, qu'elles sont toutes hostiles, non. Mais très grande méfiance, parce qu'ils sont briefés, ils reçoivent des ordres pour vendre des médicaments, pour prendre les gens en charge d'une certaine façon et pas d'une autre, de manière très normée, etc. Enfin voilà. Alors aussi cette semaine, rubrique numéro 2, Frankistan et plus jamais que le Frankistan, Frankistan. Alors, vous avez vu ça, c'était sur Twitter, ça a été massivement vu. un jeune couple, deux Français, s'est pris en photo devant l'Arc de Triomphe. Et s'est mis en... Enfin, en selfie. Ils ont fait un selfie d'eux-mêmes, bien sûr. Et ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Et vous allez me dire, la belle affaire, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oui, alors j'ajoute donc des éléments additifs quand même pour comprendre, quelques éléments supplémentaires pour comprendre. Alors en fait, c'est un couple de Français normaux il y a 50 ans, mais il s'est passé des choses en France en un demi-siècle. Donc en fait, ils sont blonds sans être suédois, hein, c'est-à-dire que c'est pas des blonds blancs, vous voyez, c'est blond, mais un beau blond. Un beau blond, voilà, beau blond ou châtain clair. Et yeux verts, pas bleu, spécialement bleu, mais clair, on va dire les yeux clairs. Et ils ont l'air heureux, ils sont contents, et ils forment un beau couple. Donc, c'est des Français, c'est des Whites, c'est des Blancos, comme disait notre ami Valls. Et alors, ils mettent juste leur photo comme ça. Et il dit, la jeune femme dit, bah voilà, on s'est rencontrés il y a 7 mois sur Twitter, et maintenant on est en couple, et on s'aime, etc. Bah c'est très bien, formidable, super. Et là, torrent de réactions. Donc je dis, hein, c'est 2 ou 3 millions de vues sur Twitter, et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 3 millions de vues pour une photo d'un couple devant l'Arc de Triomphe? Je comprends pas. Oui, alors, mais c'est parce que vous êtes des Blancs, donc vous comprenez rien. Vous êtes largués, vous ne comprenez plus votre propre pays. Et c'est tout à fait normal. Mais les gens qui habitent votre pays, eux, le comprennent beaucoup mieux. Et ils ont réagi de manière extrêmement virulente. Et je vais citer quelques réactions de Français absolument, absolument choqués de voir ces deux provocateurs racistes les agresser photographiquement. Alors, j'ai Charles qui dit ceci. On dirait vraiment un couple de fachos, c'est trop grave. Un couple qui vote Zemmour. Réaction suivante, d'un Arménien. La photo me demande de rentrer dans mon pays. Oui. Autre réaction d'Asia. La photo, elle pue l'extrême droite. Alors, Asia est très noire, je précise. Alors là, on a un gars du Maroc qui nous dit « La photo me demande si ma mère a pas trop chaud sous son voile. » J'enchaîne avec NOM. Je connais pas son blaze, je connais pas son pays d'origine, mais il dit ceci. « Tous les matins, ça prononce Arbeit macht frei en mémoire du troisième. » Absolument. Représente troisième. C'est ma section. J'appartiens au club. Il y a comme ça tout un torrent de réactions absolument déchaînées. Alors... ils ont l'air d'être des fachos, ils votent Le Pen, c'est pas possible d'être comme ça, d'où ils viennent, c'est des Allemands, etc. Alors, du coup, là, je vous sollicite, qu'est-ce que ça vous dit? Je précise bien, hein, donc, ça n'est qu'une photo d'un couple devant l'Arc de Triomphe, et c'est deux blonds. Mais ça devient un phénomène sur les réseaux sociaux, de 3 millions de vues, avec, en quote, hein, en citation sur les tweets, des propos absolument agressifs, hostiles. Hein. J'en ai cité quelques-uns, c'est vraiment un tout petit échantillon. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des réactions hostiles. Attention, hein, je ne dis pas que c'est 3 millions et uniquement des réactions hostiles. Il y a aussi des gens, mais uniquement qui ont entendu la polémique, qui sont venus réagir et qui ont dit « Vous êtes mignons, vous êtes jolis, j'espère que vous serez heureux, ce genre de choses. » Mais voilà, mais on a vu vraiment l'hostilité des halogènes de manière très prononcée. Alors pour moi, là, il y a quelque chose qui s'incarne, qui se passe. Et je pense que tout le monde l'a bien saisi. Parce que il y a plusieurs choses, mais aujourd'hui, hein, voilà, vous êtes un couple de Français, de race française, on va dire du nord de la France, voilà, on ne va pas dire que tous les Français sont des blonds, hein, on ne va pas dire ça. Mais quand même, les blonds en France, jusqu'à une date pas si récente, c'était pas une anomalie, on est quand même aussi d'accord. Hein, voilà, c'était quand même assez répandu d'avoir des blonds, châtain clair, etc. C'était pas, ou des roux, c'était pas du tout bizarre. Je veux dire. Et maintenant, ça devient problématique, j'ai envie de dire. Il est peut-être temps de faire passer des lois pour défendre les minorités en France, parce que quand je vois ce genre de réaction, moi je me fais du souci pour les minorités. En tout cas, c'est mon sentiment. Qu'est-ce que vous pensez des majorités hostiles? Peut-être Jean, dont le temps est imparti. On va commencer avec Jean. Oui, bah écoute, c'est comme d'habitude, hein, quand le démon est mis face à la lumière, il hurle et s'enfuit en proférant des menaces. Donc c'est pareil, là, ils ont senti la supériorité raciale sur la photo, donc ils se Ils sentent se sentent immédiatement visés. opprimés, c'est ça, opprimés, Voilà. peut-être, Non, mais opprimés. ils savent que c'est ça l'état normal d'un pays européen. C'est des blancs contents qui vivent leur vie et qui font des familles. Et puis, ben, ils savent qu'ils sont de trop. C'est évident. Quand on voit les réactions, ils se sentent de trop. Et ils savent bien qu'il en faudrait pas de beaucoup, finalement, pour qu'on leur dise, mais attendez, vous avez rien à faire ici, vous nous ressemblez pas. Et ils savent bien Ce qu'a ne dit la fille ressemblent d'ailleurs, elle a pas. dit hein, vous êtes raciste contre les blancs, bah c'est comme ça la prochaine fois je vote Le Pen. C'est plutôt nouveau comme type de réaction d'ailleurs de la part des blancs agressés. Hein. Oui, surtout des blanches. Oui, c'est nouveau, hein. Avant c'était plutôt oui non mais c'est pas ce que vous pensez. Là c'est non non je vote Le Pen. C'était nouveau comme évolution, je veux dire, c'était bienvenu. Non, mais c'était tout l'effort, vous avez parlé la semaine dernière de l'assimilation, c'était tout l'effort du discours assimilationniste de nous faire croire que si ces gens ne se sentaient pas bien avec nous, c'est que nous ne les avions pas assimilés comme il faut, que nous n'avons pas fait assez d'efforts. Donc c'était personne n'y croit effectivement à ce discours. C'est que c'est un moyen facile de culpabiliser les blancs et de les désarmer en leur disant en fin de compte, si ces gens se comportent mal, c'est de ta faute. C'est que t'as pas assez donné d'argent, t'as pas fait assez d'efforts pour qu'ils se sentent bien chez toi, avec les pieds sur ton canapé. Donc c'est ça, là, on voit que ce discours commence à être quand même mis en échec et qu'il y a certaines réactions épidermiques qui apparaissent chez les nôtres. Bah là, c'était une. Bah, faut dire que c'est une agression raciale caractérisée, parce que il n'y a pas de propos, c'est juste une photo. Donc, Nogaret, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, juste pour revenir sur la dernière chose que Jean a pu dire. Qui me paraît intéressante, c'est que certes le discours assimilationniste est en train de chuter, mais je remarque aussi qu'il y a de plus en plus des gens qui continuent, alors sans le discours assimilationniste, pardon, à dire oui, mais c'est un petit peu, vous l'avez cherché. Je pense à ce gros tas de journalistes qui avaient dit ça à Zemmour, je ne sais plus à quel propos, et Brice je Toussaint? pense aussi. Brice Oui, Toussaint? c'est ça, Ouais. c'est ça. Je pense aussi à une personne qui avait dit ça, je ne sais plus qui c'est, mais par rapport à un viol qu'il avait eu sur le Champ de Mars, où il avait dit à demi-mot, oui, mais bon, faut pas se balader à cette heure-là sur le Champ de Mars, etc. Ouais, du coup, Grosso tu cherches. Bah, modo. c'est bizarre, avec l'ambiance féministe, généralement, ce genre de discours est inacceptable. C'est étonnant ce que tu me dis. C'est la Mexicaine, j'imagine, qui s'est Oui, fait oui, violer oui. récemment, ouais. Ah, il a tenu sur... Oui. Parce que justement, il y a tout un discours féministe qui dit, tu sais, quand tu parles de la tenue ou ce genre de truc, tu dis, bah non, là, vous inversez la charge de la responsabilité. Donc je suis surpris, en fait, que dans cette ère étouffante de féminisme, il y a un mec qui ait osé dire, ouais, mais si elle sort à cette heure-là, c'est de sa faute. Je suis très surpris. Bah, alors j'espère ne pas me tromper, mais je pense que le but du propos était de dire, non pas en visant les femmes, mais un peu cette volonté des boomers d'avoir une société complètement bourrée de police, de surveillance, etc. C'est-à-dire une société où tout le monde, voilà, surveille tout le monde, on ne peut plus bouger, et eux, ça leur plaît. Les boomers, ils adorent ça, et comme ils disent souvent, ils n'ont rien à se reprocher, donc ils peuvent être surveillés. Enfin bref, je pense que c'est plutôt à mettre dans le cadre de cette société-là. Mais sinon, pour revenir un peu plus sur le cœur de l'affaire, bah, je trouve ça plutôt pas mal sur certains points. C'est que, comme nous, ces gens jugent au physique. Ils jugent au physique, et la façon dont ils se représentent l'extrême droite, c'est quand même un beau couple de gens blonds, en pleine forme, jeunes, beaux. Enfin, voilà, c'est plutôt flatteur. Je les remercie pour ça, de nous représenter de cette Un manière. poster de Troisième Reich, donc ça me parle, oui. C'est ça. Et en plus de ça, ces gens vont en plus de ça, assimiler tous les blancs à ce modèle-là, en disant, ouais, voilà, si vous voulez ça, c'est vraiment que vous êtes raciste, etc. Alors, c'est pareil, on a toute la pouillerie de gauche qui s'est ralliée, comme d'habitude, aux immigrés pour critiquer ces fameux racistes. J'ai vu la même chose à propos d'un jeune homme qui montrait sa transformation en 5 ans, passant de on va dire d'un joueur de jeux vidéo lambda à un jeune homme bien habillé, bien coiffé, etc. Et les gens n'ont pas pu s'empêcher de dire « Ah oui, toi tu aurais servi la Gestapo, etc. » Alors, certains sous le ton de l'humour, mais d'autres, je pense, assez sérieusement, en le traitant de raciste et en attendant de lui qu'il baisse son froc et dise « Ah oui, non, mais je suis pas raciste. » Et ce jeune homme a bien tenu en disant « Je vais pas me justifier, je m'en fous de ce que vous pouvez dire. » Donc, je trouve que voilà, il y a des signaux positifs, c'est-à-dire que quand on est beau, quand on ressemble à quelque chose, qu'on s'habille bien, le camp d'en face, c'est-à-dire toute la pouillerie, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit arabo-noire, se dit ça c'est des racistes, on n'a pas à vivre, faut les punir, on ne peut pas vivre avec ces gens-là, etc. Eh bien, on est bien d'accord sur le constat, on ne peut pas vivre avec vous non plus. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin l'explication en temps réel de l'accusation de racisme que de très nombreux blancs ont subi de la part des allogènes. Tiens, toi, t'es un sale raciste. Et en fait, raciste et blanc, dans la bouche de ces gens-là, est strictement interchangeable. D'accord ? Donc, pour eux, il n'y a pas de distinction entre... contrairement aux blancs, qui pensent qu'il y a des blancs qui peuvent ne pas être racistes, pour les allogènes, tous les blancs sont racistes intrinsèquement. Et c'est ce que démontre cette photo, c'est-à-dire qu'ils se sentent agressés parce que ces gens sont et non pas par ce qu'ils font. Et ça, c'est un des piliers de l'argumentaire antiraciste, c'est que justement, et les Juifs adorent s'en revendiquer, ils disent, les Juifs disent ça souvent, ce qu'on reproche à nous, les Juifs, c'est pas ce que nous sommes, c'est pas ce que nous avons fait, c'est ce que nous sommes. C'est ça ce que sont les antisémites. Les antisémites nous reprochent ce que nous sommes et pas ce que nous avons fait. Or, c'est totalement faux, c'est exactement l'inverse, on reproche aux Juifs ce qu'ils font et pas ce qu'ils sont, sauf que chez eux, c'est indissociable, ça c'est autre chose. Mais ce que l'on a vécu là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a deux gens qui montrent leur image, et il y a des réactions extrêmement hostiles, et qui disent simplement, voilà, vous êtes des sales racistes ou des sales fachos, simplement parce qu'ils sont blancs. Et là, vous comprenez la psyché de base des intéressés. Donc c'est une hostilité raciale, épidermique, instinctive, irréductible, pour les blancs en général, pour ce qu'ils sont. D'accord ? C'est pas lié à votre attitude, c'est pas lié à la façon dont vous vous comportez avec eux, c'est pas parce que vous êtes bienveillant ou pas. Non, c'est pour ce que vous êtes sur votre territoire. Vous avez affaire à des masses invasives hostiles, ils ne veulent plus vous voir dans leur périmètre. Chose très intéressante, justement, à la faveur de cette polémique, c'est que, en trouvant anormal, étrange, la présence de deux blancs blonds au pied de l'Arc de Triomphe, on voit que dans l'imaginaire essentiellement de la racaille halogène francilienne, les blancs sont devenus une espèce protégée dans la région du Grand Paris. C'est ça que ça veut dire. Et progressivement dans les autres grandes villes de France. C'est-à-dire que les blancs... Une espèce rare. Oui, une espèce rare. C'est-à-dire que l'autochtone... Oui, protégée, elle ne l'est pas. Tu as tout à fait raison de me corriger là-dessus. Donc, mais ça devient une espèce rare qu'on ne voit pas. Et ils se disent, mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait dans notre paysage? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et en plus, évidemment, je me sens agressé, donc c'est marrant. Donc ils sont sur la terre de nos ancêtres, ils nous envahissent, mais ils trouvent encore le moyen de pleurer comme des victimes. Vous voyez, c'est ça qui est fascinant. Et ils partagent ça avec les Juifs, d'ailleurs. C'est-à-dire que plus ils vous agressent, plus ils se considèrent comme des victimes. Et d'ailleurs, au premier degré, hein, il y a même pas de calcul derrière ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils le vivent et le pensent comme ça. Hein. Ils sont au milieu de l'Europe et vous attrapez un nègre et là, au milieu de l'Europe, il a l'impression de se sentir agressé parce qu'il est chez lui. Quoi. Vous voyez, en gros, c'est ça. Et ça, on ne peut pas l'effacer dans leur tronche. Ouais. Ils sont comme ça, ils réfléchissent comme ça, ils ne changeront jamais. La seule façon de le résoudre, c'est de les renvoyer dans leur pays. Point à la ligne. Donc c'est cette dimension très élémentaire, très primitive de leur réflexion qui s'étale sous nos yeux. Et là, pour beaucoup de blancs, vraiment des gens, mais vraiment blancs normis, voire, vous voyez, un peu, sceptiques sur l'immigration, mais sans aller... Là, ils voient que c'est vraiment atavique. Et ça se passe au niveau biologique. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de blancs qui ne le comprennent pas. Encore aujourd'hui. Ils se disent, oui, c'est ce que tu as bien dit, hein, Jean, on t'a dit, voilà, non, peut-être qu'en modifiant notre comportement, peut-être que notre côté aussi, peut-être que si la police ne faisait pas ceci, peut-être que si Marine Le Pen ne disait pas ça, mais non, ils s'en foutent complètement. C'est, ils n'aiment pas vos gueules dans votre pays, ils veulent vous voir ailleurs. Et j'ajoute que cette réaction démontre à quel point, chez les allogènes en France, donc chez les Français, le fait qu'ils soient majoritaires est complètement intégré dans leur esprit, en fait. Ils se disent, mais on est chez nous, en fait, ici, là. D'où ils sortent, là? Et ça, on le sous-estime beaucoup. Parce qu'on a tendance à croire que ces gars-là se pensent comme des pièces rapportées, etc. Attention! Le film continue d'avancer. Au départ, ils savent qu'ils sont des pièces rapportées et ils jouent leur petit jeu, mais au bout d'un moment, ils commencent à croire leurs propres conneries, et à la fin, ils en sont complètement convaincus. Et on va arriver, si on n'y est pas déjà, au moment où on va nous dire, mais de toute façon, la France a toujours été un pays africain. Ça a toujours été un pays africain, la France. De quoi vous parlez? Vous allez me dire, les gauchistes ont déjà dit ça, il y a toujours eu des Arabes en France, machin, l'islam a toujours été présent, ils ont... Bon. C'est vrai que les ordures de profs de gauche ont plus ou moins toujours essayé de faire ça. Mais là, les Noirs vont en être convaincus, et ces réactions épidermiques face à avoir un couple de Blancs au pied de l'Arc de Triomphe le démontre, hein, voilà, le démontre complètement. Et donc, nous sommes bien dans une guerre raciale. Là, c'est manifeste, je veux dire. C'est racial, c'est pas une déclaration, c'est pas pour un engagement politique ou quoi, c'est purement biologique. Ils ne veulent pas vous voir dans leur espace visuel. Et paradoxalement, les Blancs veulent absolument voir des allogènes dans leur espace visuel. Donc ça, c'est tout le dilemme qu'on a actuellement. Les allogènes ne veulent plus voir un Blanc dans leur champ de vision, en France. Et les Blancs de France veulent absolument voir des allogènes dans leur champ de vision. Donc, alors, le truc, c'est que les deux convergent pour faire disparaître les Blancs. Voilà, voilà exactement la situation aujourd'hui. Et même à l'extrême droite, même chez les gens qui votent Le Pen ou machin, truc, ils disent « oui, il y a trop d'immigrés ». Non, mais c'est pas une histoire de « il y a trop d'immigrés », c'est qu'il y a des immigrés. C'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'il y en a. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas au moment où les gens disent « il faut tous les dégager ». C'est « non, on peut quand même être… »« Oui, non, mais il y en a des biens, voilà. » Et puis, alors, c'est dans les phases sportives qu'on voit ça. C'est ouais, quand il y a des babouins qui tapent bien dans une balle, ça, ils sont tous contents, quoi, parce qu'il y a le tricolore. Voilà, c'est tout le problème, et ils comprennent pas à quel point… de manière souterraine, cette haine raciale contre les Blancs, donc du coup contre les Français de souche, hein, boue, mais boue à un point hallucinant, je veux dire, à un point hallucinant. On sort d'un mois d'émeute raciale, hein, cette photo, cette polémique intervient un mois après les émeutes raciales, tout le monde oublie les émeutes raciales, les babouins remettent le couvert et ils nous disent « on va vous la faire à la sud-africaine ». Quoi. Voilà. C'est quand même assez extraordinaire. Évidemment, ça ne surgit nulle part dans la presse. Ça, c'est extraordinaire aussi. Je veux dire, une polémique de cette ampleur devrait au moins être mentionné dans la presse. Je veux dire, quand ça intéresse des millions de gens en France, on devrait dire, ça appelle au moins un commentaire. Rien. Le Monde... J'ai vu des Américains réagir à ça. Hein. Ah oui, ça, oui, moi aussi. Mais je n'ai pas vu le journal Le Monde, le journal Libération, comment dire, France Culture, j'ai pas vu France Info. Mais imaginez l'inverse. Des millions de vues, imaginez des millions de vues de Blancs qui dirait, avec un couple de nègres en face de l'Arc de Triomphe, en disant, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ou je sais pas quoi, tu vois. Je veux dire, t'aurais un débat national. C'est-à-dire que Mediapart fait une spéciale là-dessus, comment France Culture s'arrête immédiatement, on convoque des spécialistes, alors oui, donc, qu'est-ce qui se passe, le racisme systémique en France, tu vois, c'est ça, quoi. Donc, on a du mal à comprendre la réalité, parce qu'on est prisonnier quand même de prismes qui sont pas justes, enfin c'est pas des choses éthérées, quoi, c'est concrètement c'est des entités techniques, hein, c'est des médias qui ont une emprise sur l'interprétation de la réalité qui la diffuse. Donc quand tu vois que les Blancs sont les victimes d'une agression raciale caractérisée de la part de groupes hostiles, il se passe rien. Par contre, on tolère pas 10% en face. Et là, tout d'un coup, toute la machinerie médiatique se met en branle pour amplifier démesurément ce qu'on voit. Et là, moi, je le vois, regardez l'histoire des émeutes raciales, etc., vous avez qu'à voir que l'extrême-gauche continue de ferrailler, hein. Je veux dire, Le Monde et tout ça, ils sont tous en train de ferrailler, c'est-à-dire que les émeutes raciales n'ont pas existé, il n'y a pas eu de mort, il reste sur ces histoires de bougnoules qui sont un petit peu abîmées, quoi. Je veux dire, imaginez, quoi, la police française, à son corps défendant, a allumé trois bougnoules. Putain, moi, la presse française, je dis rien. Durant les Gilets jaunes, quand ils alignaient les blancs, il n'y avait pas un mot. Le Monde trouvait ça génial, parce qu'on défendait le système, on défendait ce système juif. Il n'y avait pas un mot de la part de Libération, pas un mot de la part du Monde, pas un mot de personne. Tu touches à un seul bougnoule, ils se précipitent, ils te font des trucs à rallonge, et tu t'en sors plus. C'est fascinant, ce truc. Le problème sont les journalistes et les juges. Et les profs. Ces trois catégories maudites, absolument, en France. Les trois catégories maudites. C'est clair. Ah non, mais c'est sûr. C'est que, justement, j'allais revenir là-dessus, sur ce qui reste de ces émeutes raciales. C'est que tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Et tout le monde, je pense, même beaucoup de gens veulent oublier. Parce que il y en a pour un agenda politique et d'autres bah, parce qu'ils ont autre chose à faire, ils sont en vacances ou j'en sais rien. Ah bah, et qu'est-ce qu'il... T'allais bah, dire, oui. Non, bah, je vais citer peut-être Macron avant que tu réagisses, mais même Jean, regardez, il a fait une déclaration absolument fracassante qui va pas vous surprendre, mais voici ce qu'il dit. Accusé par la droite d'être trop laxiste, c'est le Parisien, hein, et par la gauche d'être trop dur sur le sujet, le président de la République a évoqué sa politique en matière d'immigration dans une interview accordée au Figaro Magazine lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie fin juillet. Je cite « Ces émeutes ne sont pas un sujet d'immigration actuelle », précise-t-il. « C'est un sujet plus large de difficultés dans certaines villes, de difficultés socio-économiques, de difficultés d'intégration dans certains cas, et de fonctionnement de la démocratie à l'heure des réseaux sociaux. » Alors que son ministre de l'Intérieur avait dressé le profil des émeutiers, disant étudier les statistiques, le président de la République a calmé le jeu. Quand on regarde les choses de manière lucide, 90% des personnes interpellées sont des Français. Après, on n'a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Oui, on a pété le thermomètre à dessein. Donc il y a des Français issus de l'immigration, d'autres qui ne sont pas issus de l'immigration, nous disait-il. Le chef de l'État, les fachos. Ouais, exactement. Le chat de l'État. Donc le chef de l'État a livré quelques indices sur sa politique en matière d'immigration à la rentrée, sans livrer d'exclusivité fracassante. Je cite encore :« Nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuerons à l'être », assure-t-il. Il a démonté les idées de l'extrême droite dans ce domaine. Enfin ça c'est le Parisien qui dit qu'il les a démontées. Hein. Toute réforme qui nous fait sortir de l'Europe, donc ça c'est par rapport à Schengen, est inefficace parce que le problème est européen et parce que nous ne sommes pas une île, estime-t-il. Bon, la Grande-Bretagne est envahie, ça change quelque chose. Alors, Emmanuel Macron, et ça c'est le plus formidable, a en revanche vanté la mise en œuvre d'une politique de peuplement. Donc là, on nous refait du Valls, 8 ans après Valls. Car il craint l'émergence en France de sociétés vivant dos à dos. Alors, je cite, beaucoup de gens disent, non, nous, on ne veut pas voir de nouveaux arrivants chez nous. On s'est entendu le Gaulois. Moi, donc lui, Macron, je pense qu'on intègre d'autant mieux qu'on le fait de manière diffuse. Si vous mettez toutes les familles ukrainiennes qui arrivent dans les mêmes endroits, vous ne les intégrez pas, explique-t-il. Putain, ce niveau de putasserie, c'est digne du Guinness des records. Je veux dire. Citer les Ukrainiens comme le problème racial en France, alors ça n'existe pas, il n'y a pas de problème d'immigration. C'est bizarre, il n'y a pas de problème d'immigration, c'est tous des Français. Mais il vient avec les Ukrainiens en disant c'est des migrants. Et c'est... puis on a un problème avec l'assimilation et l'intégration, mais ce n'est pas un problème d'immigration, ça n'a rien à voir. Alors Jean, Noga, là-dessus, parce que en fait, bon, vous avez compris, en gros, on ne change rien, on prend la même équipe et on en fait le double, mais quand même, cette réaction de Macron un mois après, donc le courage de Macron, quoi. Là, parce que faut que quand même les gens aient une idée de ce qui va leur arriver. Je pense qu'ils le savent, mais me semble-t-il que ces déclarations valent quelque chose quand même. Ah ben là, c'est il a décidé de mettre le ventilo sur puissance 5 pour ventiler ses nègres. C'est là, il va mettre un effort, les bouchées doubles, pour vraiment faire subir le maximum à la population. Il voit bien que la population rejette ça, et plus elle rejette, plus il veut lui imposer. C'est des méthodes qui sont tout à fait questionnables. Et d'ailleurs, j'en reviens à ce qu'on peut entendre parfois. Pas dire dans notre camp, mais dans des gens qui s'en rapprochent, disons, plus ou moins, c'est que ils vont nous dire oui, les politiques ne sont pas des gens qui sont malveillants, c'est plutôt des gens incompétents. pardonnez-moi, mais je pense que c'est à questionner. Oui, là, il y a de la malveillance, voit... oui. Mais oui, quand on voit ce genre de déclaration, je vois pas comment on peut penser autre chose que de la malveillance. On leur dit à corps et à cri, on ne veut pas de ces gens, arrêtez de nous en partout. Eux nous disent, eh ben, on va vous ordonner. À partir oui, de c'est là, ce qu'il dit. Il dit, en plus, j'aime bien comment il formule, il dit, moi, je pense. Tu sais, moi, ça dit tout, quoi. Tu sors d'un mois d'émeutes, enfin pas d'un mois d'émeutes raciales, tu sors d'émeutes raciales extrêmement violentes. Dans 500 communes françaises, y compris des petites communes, qui démontrent que la loi de la ventilation, enfin que le système de ventilation, leur fameuse politique de repeuplement, il n'y a pas de grand remplacement, n'oubliez pas, est une folie. Macron, il dit, oui, mais moi, je... Voilà, mais c'est comme Hollande et Valls, ces mecs qui se baladent librement dans les rues de France, quoi. Qui leur a demandé des comptes à ces types? Ils vivent bien, ça va bien. Et c'est la même chose pour Macron. Donc, moi, je suis désolé. Hollande dédicace ses bouquins dans des librairies en France quand ça lui plaît. Hein. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même aussi se poser la question, parce qu'il ne faut pas complètement non plus exonérer les gens, donc en gros les Français, de leurs responsabilités. Visiblement, ils aiment la merde. Parce que Hollande est un criminel. C'est un criminel. On peut dire que c'est un inconséquent, mais c'est un criminel. Il se balade avec sa grosse, il arrive, il est gras, hein, il n'arrête pas de bouffer, et il signe ses bouquins que personne ne lit, dans des librairies. Et les gens sont contents, ils font la queue, ils sourient. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'émeute aux abords des endroits où il se pointe, celui-là, le gros Hollande? La même chose avec Macron. Ces mecs-là sont des incendiaires, et il ne se passe rien. Pourquoi voulez-vous qu'ils arrêtent? Ils ne vont pas arrêter. Et le Macron est là, bah oui, mais on continue, on accélère, on ventile, on va ventiler des nègres. Donc la prochaine fois, ce n'est pas 500 communes qui seront enflammées, ce sera des milliers. Voilà la conclusion. Dans 10 ans, ce sera des milliers. Mais ça, c'est pourquoi est-ce qu'on nous enfile depuis 150, 200 ans avec la démocratie? C'est parce que ces gens, quand ils ont fait le mal, ils sont là, qu'ils se baladent dans la rue, qu'il n'y a plus 4000 flics pour les protéger au mètre carré, eh ben, ils sont plus aux affaires. Hollande, il est officiellement plus aux affaires. Sarkozy, c'est pareil. Valls, il a aucune responsabilité. Donc, dans les faits, ces gens ont servi une oligarchie juive qui leur a donné des ordres et qui est toujours en place, qui est toujours là. Ils ont été les bons laquais de ces gens et ensuite ils peuvent se balader. Et toi, est-ce que tu ferais le calcul de te dire, est-ce que je vais risquer gros pour ma vie, pour potentiellement ma famille, parce que ça peut avoir des conséquences importantes de s'en prendre à eux, ou alors ben, je passe mon chemin et puis j'espère que ça ne va pas me tomber dessus. Donc c'est sûr que dans le fond, t'as raison, mais le problème, c'est que c'est pas pour rien que ce système est aussi résilient et qu'il continue de nous opprimer au point où on en est. C'est parce que c'est bien pensé, c'est bien fait. Ces gens peuvent se balader tranquillement parce qu'il leur a été donné les gages et le système est fait de telle sorte à ce que les gens ne les attaquent pas. Vous rappelez-vous, quand il y avait des histoires d'installation de migrants, il y avait des gens qui protestaient. Et il y a eu toute une sérénade qui nous a été jouée par les médias du système en disant les élus sont menacés par les factieux, les fascistes. Et ensuite, avec les émeutes raciales, alors, ils ont dû changer de ton parce que du coup, c'était les halogènes qui menaçaient les élus. Et alors, donc, on a cette espèce de caste-là, sacerdotale, hein, veut dire, nous sommes dans une théocratie. Alors, c'est pas une théocratie au sens classique du terme, hein. Mais c'est tout comme, donc c'est sauf que la divinité est placée au niveau de la République. Voilà, la République est divine, donc ses élus sont des élus au sens strict. D'ailleurs, on ne parle même pas d'élus au pluriel, on parle d'élus au singulier, c'est le peuple élu des élus, quoi. Donc ils sont intouchables, on ne peut rien leur demander, etc. Et il y a vraiment ce réflexe de nous dire, oui, non, mais c'est pas des citoyens, c'est des élus. Tu sais, genre, les Français se font bolosser au quotidien. C'est-à-dire, toi, tu te fais agresser par des bougnoules, tu te fais agresser chez toi, etc. L'indifférence totale, genre, les juges libèrent les mecs, tout le monde s'en tape. Putain, tu toucherais un cheveu d'un politicard, tu vois, élu, dont je sais pas quoi, merde. Putain, la République se... Oui, la République se mobilise. Parce que la République, ça n'a jamais été le peuple. La République, c'est que la République. C'est-à-dire le cartel politique en place. Ça a jamais été le peuple. Et sa grande force à la République, c'est de faire croire que la République représente le peuple et qu'elle est le peuple. Elle l'a jamais été. Et quand on voit ce qui se passe quand on chatouille leur putain d'élus, là, on voit comment ils réagissent. Ils parlent bien des élus. Ils parlent pas du peuple. Donc tu peux te faire planter, tu peux te faire assassiner tes gosses, ils s'en tapent. Ils s'en foutent complètement. Ils en ont rien à caler. Ils s'en tapent. Par contre, touche à un seul de ces types-là. Tout d'un coup, c'est là. Il n'y a plus d'extrême gauche, il n'y a plus d'extrême droite. Ils sont tous copains. Vous avez qu'à regarder. Il n'y a plus d'étiquette. C'est front unique, c'est l'union sacrée. C'est étonnant quand même, non? Parce qu'ils sont du même système. Ils bouffent dans les mêmes gamelles. D'accord? Moi, je m'en fous complètement des étiquettes des uns ou des autres. Hein. Extrême gauche, extrême droite, RN, machin, rien à foutre, moi. Je veux dire, c'est clair et précis. Il y a la caste des élus, et c'est une caste, et il y a les autres. Et ces gens-là, ils sentent que la température elle monte, et ils sentent que les gens sont de plus en plus en colère contre eux. Pas contre un parti, pas contre un bord, même si la gauche est complètement folle, mais contre toute cette clique d'élus, de parvenus, de protégés, qui bénéficient de tous les passe-droits possibles et imaginables. C'est ça que les gens ne supportent plus. Et, là, et au bout d'un moment, quand tu ne parviens plus à faire entendre ton mécontentement, ta colère, parce qu'il n'y a plus de moyens de transmission, on ne peut plus... justement, parce que, soi-disant, les élections étaient censées pouvoir convertir en solution politique la colère populaire. Bon, ben, elle a compris que ça ne marchait pas. Avec les gilets jaunes, on l'a bien compris. Donc les gens bouent, les gens gonflent de colère, et ils passent à l'action. Alors, c'est encore très très modéré, mais ça, ça les inquiète. Et voilà. Et alors ils se disent, donc ils veulent poursuivre la même politique pour en revenir à Macron et à sa politique de ventilation des nègres, qui est la même politique de Hollande, pour laquelle d'ailleurs ils ne passent jamais à la caisse. Eh ben, c'est toujours la même idée. C'est comment va-t-on faire pour leur faire dans le dos? Comment on va faire? Parce que ces gens-là nous voient comme des ennemis. Ces gens nous voient comme des ennemis. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Il faut arrêter avec ça. Il y a le système et il y a les étages dans le système. Ces élus politiques fonctionnent de la même manière. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. C'est la même manière, c'est une prédation systémique. Ils sont en haut et ils ne sont en haut que parce qu'ils peuvent brouter le dos de la plèbe. Et ces gars-là, on leur a dit, en haut, hein, en haut lieu, hein, donc les financiers internationaux, on leur a dit, on vous prête du pognon, mais vous allez nous faire le plaisir de faire venir X millions de machins parce qu'ils vont bosser à pas cher, parce que ceci, parce que cela, X excuses. Les mecs, ils regardent les comptes de l'État français, ils voient que l'État est en faillite, ils disent « amen aux créanciers ». Comme n'importe quel mec a une dette, a une créance auprès de la banque, et il lui dit « écoute, mon coco, tu vas me rembourser ça, comme ça, comme ça, comme ça, et pas comme ça, comme ça, et comme ça ». Donc, ils disent « amen ». Ensuite, la question, c'est comment ils vont nous l'imposer. Et ils sont tous d'accord là-dessus. Et Marine Le Pen fera la même chose, comme la Mélanie l'a fait en Italie. Vous avez vu ? Voilà, son État est en faillite, elle mange dans la main des banquiers juifs internationaux, elle n'a aucun pouvoir parce qu'elle n'a pas la volonté révolutionnaire nécessaire, donc elle impose l'immigration par la droite. La prochaine fois, ce sera par la gauche. En France, c'est la même chose. Vous voyez ? Donc là, Macron, il dit, je vais vous les ventiler, hein, vous les voulez pas par la porte ? Vous êtes sûr ? Très bien. Bah, je vais vous les foutre par la fenêtre, moi. Et le suivant ? Par la fenêtre, dans la cave, dans le... Voilà, il veut dire, le dans suivant, le il veut dire, ah bon, vous les voulez pas par la fenêtre non plus, mais je vais les foutre par les égouts, moi, je vais vous les foutre par les égouts, je vais faire déborder vos chiottes, je vais faire déborder votre lavabo, vous allez voir, vous voyez, c'est comme ça. Donc la question, c'est pas une question d'élection, c'est une question de système, il faut renverser ce système. Plutôt, plus facile dit que fait, mais c'est quand même la vérité de base. Or, tant qu'on est prisonnier de ce mythe électoral et que les gens se rabattent sur des élections en se disant « ça y est, c'est bon, on a voté pour le bon », etc. Non ! Non ! Voilà. Marine Le Pen ne ferait pas du Mélanie, je pense, totalement. Parce que c'est juste une question de gradation, en fait. Ouais, c'est parce que c'est ethnique et racial et culturel. Donc les Italiens sont des gens complètement inconséquents, donc ils ne mènent jamais de grandes politiques fortes. Mussolini est une exception. Donc, ils mènent aucune grande politique forte, etc. Bon. Les Nordiques, ils font une grande politique, en général. Donc, tu as le choix entre Mélanie et le Danemark, en gros, quoi. Bon, bah, la France va elle va couper la poire en deux. Donc, t'auras pas l'arrêt total à la danoise. T'auras pas l'invasion totale à l'italienne. T'auras le truc entre les deux, toi. T'en prenais combien par an? 350 000, 400? Ouais. Bon. 150 000, ça te va? Non? Bah voilà, bah que tu auras quand même ça. Et les mecs diront, ouais, mais c'est quand même vachement mieux que c'était 400 000, non? Qu'ils en pensaient? Ah bah ouais, t'as pas tort, ouais, donc autant voter pour ça quand même. Et tu te fais tuer comme ça, quoi. Voilà la démocratie. Voilà la démocratie. Donc, c'est pour ça que c'est une perte de temps. On s'enlise, c'est les marais, vous savez, c'est les sables mouvants, tu sais. La démocratie, c'est les sables mouvants. Tu vas crever, mais en plus lentement. Donc moi, ce que je dis, c'est il faut rompre avec ça. Maintenant, il y a une telle culture démocratique enracinée, fossilisée dans les tronches en France. Il y a tellement de boomers aussi, il faut bien le dire, que c'est très dur de rompre avec ça. Et puis maintenant, il y a tellement d'allogènes qu'on est quand même pas sorti du sable, quoi. Mouvant, en l'occurrence. Bon, c'était sur ce sujet-là, mais pour dire, voilà, donc, si vous vous posez la question, Macron a répondu au sujet. Il en fera tout autant, mais cette fois-ci, contrairement à avant, il en mettra beaucoup plus dans les petits villages. J'espère que ça va vous rassurer. En tout cas, c'est le message du président de la République française. Est-ce qu'avant de se séparer, on peut parler un petit peu du Niger? Je suis convaincu que ça vous plaît. L'Afrique, les nègres, les pays bizarres dont on ne connaît pas les frontières, avec plein de noirs dedans qui font plein plein d'enfants. Ils réfléchissent pas. Putain, j'ai vu un truc effrayant. Le Pakistan, 35 millions d'habitants. J'ai vu ça sur France F de souche. 35 millions de plus, 35 millions d'habitants de plus en 6 ans. On n'arrive pas à faire des enfants, c'est trop compliqué. C'est au Pakistan, les mecs, ils ont rien à bouffer, ils s'en tapent, ils font des gosses partout. Eh, franchement, réfléchissez, hein, les gars. Moi, je vous dis, réfléchissez bien, hein, parce que les bougnoules et les nègres, ils font des gosses. Hein, ils font des gosses. Ils en font pas que deux. Hein, ils en font à bloc. 35 millions, c'est la moitié de la population française en 6 ans. Est-ce que vous voulez laisser le monde aux bougnoules et aux nègres et aux musulmans? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez laisser le monde aux bougnoules? S'il vous plaît, réfléchissez-y bien avant de machin, c'est pas possible, c'est trop compliqué. On n'a pas les revenus, l'assurance, machin. Et puis ensuite, tu descends en bas de chez toi, t'as Fatoumata, t'en as 6, quoi. Réfléchissez, moi, je vous le dis. Donc, le Niger, un pays démographiquement hors de contrôle, absolument. Pays qui s'achemine gentiment à la fin du siècle à 100 millions d'habitants. C'est bien évidemment la fin du siècle, on n'y est pas. On ne sait pas ce qui va advenir. Mais en 2040, sera un pays qui s'avancera vers les 50 millions. Donc c'est un truc qui n'a ni queue ni tête, c'est un grand désert avec des nègres qui pullulent, mais comme vous n'avez pas idée. Donc c'est un pays forcément de ce fait-là totalement instable, d'accord? Et sur ce, Macron, donc il y a eu un coup d'État au Niger, après le Mali, le Burkina Faso, un coup d'État au Niger, anti-français, anti-américain aussi, d'un roi nègre local qui veut devenir le roi nègre à la place du roi nègre. Et là, Macron dit, c'est le coup de trop. Je reste, faisant de facto de la France non plus un pays invité à aider le roi nègre en place à assurer sa sécurité, mais bien une puissance occupante au sens strict. On a vu beaucoup de réactions. La Russie, évidemment, la Russie a été menacée dans sa vie, en tant que telle, par l'OTAN et par les États-Unis et l'Europe. Hein. On a dit qu'on allait démanteler la Russie. Bon, ben, les gars, ils ont le dos au mur, ils vont pas nous faire de cadeaux. On a vu la Turquie réagir aussi, qui a dit que Macron allait payer pour ce qu'il avait fait à l'Afrique. Petite démagogie facile, mais bienvenue de la part d'un concurrent, après tout, hein, de la part des Ottomans. Quel est votre sentiment là-dessus, sur cette question nigérienne? Et là, je pose la question tout de suite vers Jean, un peu pris par le temps, bien sûr. Alors toi, ton point de vue est toujours le même, hein, tu dis toujours, voilà, bon, bah, de toute façon, il faut que les Français dégagent d'Afrique, il faut que ça s'arrête. Mais là, pour le coup, Macron dit non, là, je trace la ligne, je m'accroche, j'y reste. Il y a 1500 soldats français sur place. Comment toi, tu vas interpréter ça? J'ai regardé les réactions chez les souverainistes. Il y en a pour, il y en a contre. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je lui fais confiance pour claquer quelques ressources pour faire le pot, mais je pense que ça va se finir en désastre, comme les Américains en Afghanistan, comme la France au Mali et au Burkina Faso il y a 6 mois. De toute Bah, façon, au Mali, au il n'y a Burkina, il n'y a aucune pas eu de chance. tentative de résistance. Ça, c'est la différence. Hein. C'est-à-dire que les Français ont dit d'accord, ok, on prend note, on part. Là, c'est la Oui. différence. Et il dit là, on reste. Oui, mais ça reste quand même des fiascos, parce que quand on a passé, je sais pas combien de temps au Mali, 10 ans, je sais pas, c'était en 2000, c'est Hollande ou 13, Sarkozy? 2013, 2013, intervention. Ouais. 2013, Barkhane, c'est ouais. Hollande, Barkhane. Et ben, on a quand même passé un peu moins de 10 ans là-bas, on s'est fait virer comme des malpropres après avoir quand même fait tuer des soldats de bonne qualité, des Français de bonne race. Bon, eh ben, ça va être pareil, ça va se finir en fiasco, on va finir par partir parce que on n'a plus du tout les moyens de policer des millions et des millions de nègres. Déjà que c'était pas forcément évident du temps de l'Empire colonial, alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. Ils n'avaient pas encore fait des millions de gamins. Et là, moi, je crois que c'est une entreprise vouée à l'échec. La simple question, c'est combien de temps le supplice va durer pour les armées françaises au Niger, au Niger, comme dirait l'autre. Et puis bon, tous ces débats autour des ressources, la France vole des ressources et les Africains ont rien à bouffer, je sais pas quoi. Ça m'énerve. Ça, les gens qui croient qu'on pourra plus mettre d'uranium dans les centrales nucléaires françaises parce que il y a trois péquenauds au Sahara qui ont décidé de virer les Français. Bon. C'est une vaste blague, mais bon, je suis très content de manière générale de la tournure des événements parce que on s'oriente de plus en plus vers un monde qui tourne le dos à l'Occident juif. Notamment la France et les États-Unis sont de plus en plus isolés. Enfin, tous les laquais des États-Unis sont de moins en moins puissants et leur sphère d'influence diminue progressivement. Et il semblerait que le rôle des Russes n'ait pas été si important que ça. C'est-à-dire que vous avez deux modèles qui s'opposent. C'est le modèle russo-chinois. On fait du business ensemble. Nous, on pose pas de questions. On vous vend des marchandises, on vous vend des matières premières. On peut faire affaire, on peut vous vendre des avions, des armes à feu. On pose pas de questions. Puis vous avez le modèle occidentalo-juif qui est ah mais est-ce que vous avez des homosexuels qui s'enculent suffisamment dans votre pays? Est-ce que la cause homocidaïque a s'avancé? Est-ce que vous dites du bien des juifs suffisamment? Et bon bah quand vous allez voir un émir ou même un noir subsaharien, que vous lui parlez de LGBTisme et tout le bazar, ben ça passe mal, dans tous les sens du terme. Ça leur plaît pas trop, ces histoires. Donc ils se tournent vers l'autre modèle. De toute façon, l'Occident n'a plus rien à vendre Oui, on n'a de plus, non, on a, tangible. oui, on n'a plus rien à leur Et donner. donc c'est facile, hein. Soit vous faites du commerce avec des gens qui ont des choses à vous vendre, qui viennent construire chez vous et qui vous donnent à bouffer, parce que faut quand même pointer du doigt le rôle, certes récent, mais de plus en plus important de la Russie dans l'explosion démographique africaine. Et d'ailleurs, Poutine au sommet russo-africain de ce mois-ci, enfin du début du mois, c'est quand même bien targué de fournir à bouffer à tous ces nègres gratos. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut quand même pas donner beaucoup de crédit à Poutine parce que c'est quand même un très gros problème la démographie africaine et surtout ces débordements de toutes parts. Et ça va finir par atteindre la Russie, hein. Aussi raciste et aussi énervé que les Russes soient. Face au virus nègre, quand ils seront 2,5 milliards et que les Russes ils seront 130 millions, ben ils feront pas grand-chose. Donc c'est bon dans l'ensemble, satisfait de l'évolution de la situation et du fait que les Français soient de plus en plus traités comme des malpropres en Afrique. Starship Trooper un peu quand même là, non? Je veux dire le truc là. Les Français là au milieu du Niger, non? Là, les 1500 gaziers là dans leur base là. Ils ont du courage, hein. Franchement. Ils ont pas le choix aussi déjà. C'est. Mais il y a 1000 Américains aussi et voilà quoi Mais et. apparemment, ils ne sont pas contents, les Américains, parce qu'ils ont investi dans tout un tas d'infrastructures de renseignement, des drones et ainsi de suite, enfin, une usine à drones là-bas. Je ne sais pas Pourquoi faut pourquoi ils ont fait ça, mais c'est ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Donc, ce n'est pas bon du tout pour Zog, cette affaire. Ah bah non, là c'est les Chinois et les Russes, c'est pas bon pour Zog. Et les Turcs aussi, hein. Les Turcs ils fourrent leur nez parce qu'ils ont leur nez dans le jeu via la Libye, hein. Ils arrivent, hein. Attention aussi. Ils aiment ça aussi, les Turcs, gérer des nègres, ça c'est un truc. C'est pas tellement géré. Non, mais en plus, il la gère à l'ottomane. Donc, Oui, la c'est babouche sur le nez, mais enfin, une. Tu oui, vois, d'accord, mais. c'est. Voilà, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Ils font bien sentir que c'est les boss, quoi. Tu vois, il n'y a pas vraiment de. Bon, enfin, pour ce que ça vaut, hein, on est d'accord. Enfin bon, l'affaire de Macron me paraît quand même assez incroyable. Mais du coup, là, enfin, en pratique, là, la France est en guerre. Elle n'est pas déclarée, mais elle est en guerre, de fait. Parce que eux, ils disent oui, mais c'est la légalité, on est présent sur place. Mais peu importe, on s'en fout. Donc tous les machins djihadistes, ils vont converger vers là-bas, parce qu'il faut regarder quand même une carte du djihadisme dans la région, c'est hallucinant. Nogaré, qu'est-ce que t'en penses de cette affaire du Niger? Eh bien, je serai dans la continuité de ce que vous avez pu dire, c'est-à-dire que finalement, une défaite pour l'impérialisme américano-sioniste, pour le dire vite, ça reste toujours intéressant pour nous, puisque ça lâche un petit peu de l'Est de notre côté. Plus ils sont occupés ailleurs, moins ils s'occupent de nous. Ça montre aussi, voilà, le talent de Macron. On parlait un petit peu de sa volonté de ventiler les nègres chez nous. Bon, ce qui rassure, c'est de se dire que finalement, cette politique sera probablement aussi infructueuse que sa politique internationale, où tout le monde s'accorde à dire que c'est un désastre, qu'il ne sait pas se comporter convenablement lors des rencontres, et il s'est aliéné toute l'Afrique par son comportement. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt encourageant. Bon, je pense que c'est pas non plus quelque chose, on pourrait se dire, bon, le Sahara, le Niger, on s'en fout un peu, c'est des nègres, ils sont débiles, ou j'en sais rien. Moi, c'est pas ma position. Je l'ai évoqué un petit peu pendant le débat, enfin, le débat, la discussion qu'on a eue sur le sujet de la drogue. Je pense que réellement, le Sahara, c'est un enjeu non négligeable. C'est un passage important, c'est une clé comment dire, des routes diverses du monde, et avoir la main sur cette clé, ce n'est pas négligeable. Le fait que ni les Américains ni les Européens réussissent à avoir la main sur cette clé, c'est plutôt une nouvelle intéressante. Je ne sais pas si elle est bonne, mais c'est intéressant. Donc voilà, bon, c'est assez marrant de voir que ils n'arrivent pas à s'organiser politiquement. Ils n'y arriveront jamais, je pense, hein, en tout cas à l'échelle des pays qui ont été taillés dans la colonisation. Et sur ce point-là, c'est toujours aussi drôle de voir que des personnes qui veulent condamner la colonisation font finalement ce qu'on peut appeler, ce que la gauche dit d'ailleurs, hein, mais à juste titre, du néocolonialisme, où en fait ils voient des Noirs qui s'organisent un petit peu comme ils veulent, et ils disent, ah non, il faudrait pas qu'ils s'organisent comme ça, mais plutôt comme ça. Bref, ça montre l'aspect focus de tous ces gens qui n'acceptent que une organisation dans la mesure où elle va dans leur sens. Oui, c'est certain, tout à fait. Bon, de toute façon, là, ça sent le sapin. Donc, bon, je sais que nos auditeurs se rendent pas forcément compte parce que c'est pas leur centre d'intérêt, ça se comprend. Mais bon, quand vous prenez une carte du djihadisme en Afrique de l'Ouest. Donc le Mali est absolument rongé par le djihadisme. Bon, effectivement, hein, comme le dit bien Bernard Lugan, vous avez des confrontations ethniques très ancestrales, très anciennes, qui sont plus ou moins la donne permanente, et dont le djihadisme est simplement, on va dire, l'expression la plus récente, c'est-à-dire que c'est la façon de l'exprimer la plus récente. Mais en réalité, les problèmes sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus anciens. On peut parfaitement les comprendre. Donc le Mali, le Burkina Faso, finalement le Niger un peu, mais pas trop, comparativement. Et le Nigeria qui prétend intervenir au nom en fait de l'Occident, hein, qui sert un petit peu d'intermédiaire. Alors eux, ils ont une poche djihadiste très importante qui est Boko Haram, qu'on connaît bien, mais qui se situe dans l'est du pays, mais qui est très très très enkystée, et quelques petites poches, effectivement, plutôt à l'ouest. Mais c'est un pays, donc le Nigeria, qui n'est jamais parvenu à écraser en fait l'insurrection, on va dire, islamique dans le nord-est du pays. Et finalement, tout ça commence à faire jonction, en fait. C'est ça qui est à observer. Alors, donc il faut bien comprendre que ce n'est pas une insurrection djihadiste au sens strict, d'accord ? Sinon, on ne comprend pas bien la situation. Ce n'est pas une insurrection islamiste. Ce sont des vieilles confrontations ethniques entre eux, hein, entre les différents peuples qui composent ces régions. Il y a des vieux comptes à régler, il y a une grande instabilité dans ces États post-coloniaux. Et donc, ce n'est pas l'islamisme n'est pas le moteur, si vous voulez. Mais en revanche, c'est sûr que c'est un additif et sur lequel jouent un certain nombre d'acteurs extérieurs. On a parlé de la Turquie, on a parlé de puissances extérieures comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Parce qu'il faut voir que l'Arabie Saoudite, par exemple, a financé beaucoup, a joué un rôle indubitablement en finançant des écoles radicales wahhabites dans tout l'ouest de l'Afrique. Depuis maintenant une cinquantaine d'années. Donc ça a été quand même un effort constant de la part de l'Arabie Saoudite de promouvoir sa version de l'islam. Ce n'est pas du tout étonnant. L'Amérique fait la même chose avec le protestantisme. Je ne compare pas les deux. Je dis simplement que les États qui ont une religion plus ou moins officielle ont tout intérêt, pour des raisons d'influence, à promouvoir leur propre version de leur religion officielle. Donc pourquoi les évangéliques sont tellement soutenus aujourd'hui à travers le monde, c'est parce que l'Amérique est derrière. C'est vrai au Brésil, c'est vrai ailleurs. Bon, il n'y a pas de, faut pas trop se poser de questions, je veux dire. Du coup, en fait, la France, dans cette situation-là, elle est dans une très grande position de faiblesse parce qu'elle n'a plus de religion officielle. Et vous savez que dans ces sociétés-là traditionnelles, la religion joue un grand facteur. Peu importe qu'on soit musulman ou chrétien, enfin, il faut quand même une religion. La religion est un très grand facteur. La France n'en a plus. Sociétalement, bon, ça a été cité par Jean. Bon, avec nos histoires de LGBTisme, etc., on est complètement discrédité auprès des Africains. Bon, ça heurte vraiment leur sensibilité traditionnelle, anthropologiquement. Je les comprends, ça nous choque nous-mêmes. Donc, évidemment, ils n'ont aucune envie de soutenir ces gens-là. Je rappelle qu'il y a eu une tentative du Quai d'Orsay d'envoyer un ambassadeur au Cameroun promouvoir le LGBTisme il y a environ un mois. Le Cameroun a interdit à cet ambassadeur français de poser un pied sur le territoire camerounais. Donc c'est vous dire l'état de discrédit total que font peser les fiottes du Quai d'Orsay sur la France à l'étranger. Voilà ce qui arrive quand vous êtes gouverné par des juifs, des femmes blanches et des fiottes. Il se passe exactement ça, vous êtes complètement discrédité. Et du coup, les autres puissances concurrentes interviennent, font leur jeu. C'est normal, c'est bien logique, c'est entendu. Et là, Macron, qui a capitulé parce que ce n'était pas gagnable, évidemment, au Mali, qui a capitulé au Burkina Faso parce que ce n'était pas gagnable, dit là, non. Et pourquoi ? Alors, il ne veut pas le faire seul. Il veut le faire avec l'aide d'autres Africains. Et en fait, simplement les Nigérians, il n'y a que eux. Les Sénégalais, qui se sentent en danger parce que Macky Sall, le président en fonction au Sénégal, se sent en danger, menacé par des concurrents, adopte une politique de soutien aux potentats soutenus par les Occidentaux, simplement par préservation, goût de la préservation. Il se dit, il ne faut pas que ça tombe davantage, parce que je serai moi-même renversé par ma rue au Sénégal. Et donc, il a pris fait et cause pour Bazou, celui qui a été renversé, qui est un arabe d'ailleurs, Bazou au Niger est un arabe, il appartient à une toute petite minorité de 0,4% de la population. Donc c'est un pays essentiellement noir, le Niger, et ce roi arabe, musulman, a été imposé par l'Occident, et il ne représente pas du tout la population. Donc il y a un fort ressentiment aussi par rapport à ça. Et donc ils volent au secours de ce type-là, dans l'espoir de ne pas se faire renverser eux-mêmes. Au Nigeria, d'autres motivations sont derrière, mais voilà, ils essaient d'intervenir. Mais concrètement, sur le terrain, qui va intervenir ? Il n'y a que le Nigeria qui peut vraiment envoyer des troupes, et ils sont mal barrés, parce qu'ils ont Boko Haram au cul, etc. Enfin, ils sont... Alors, le Niger, c'est vrai, n'a pas de puissance militaire, soyons sérieux. En revanche, entrer au Niger pour faire face à une guérilla permanente, le Nigeria ne peut pas. Donc oui, il pourrait éventuellement rentrer dans la capitale. Oui, il pourrait remettre le roi nègre en place. Mais ils ne peuvent pas faire face à l'insurrection généralisée qu'il va y avoir dans tout le Sahel après. Donc c'est là le problème, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une victoire à la Pyrrhus, mais pas plus. Et Macron a accepté de rentrer dans ce jeu-là, parce qu'il se dit, et je pense que c'est le calcul en gros des élites françaises, en tout cas de l'Élysée, parce que là il allait faire son petit tour dans l'océan Pacifique, les Français n'en ont rien eu à foutre, mais l'objectif était de se faire remarquer. Donc, vous savez que on approche d'une grande confrontation entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, qui est maintenant le centre du monde, ça n'est plus l'Atlantique, puisque c'est là que se trouve l'essentiel de la production de richesses mondiale. Quand vous prenez les États-Unis et quand vous prenez la Chine, vous avez l'essentiel de la production de richesses dans le monde. Ajoutez le Japon, ajoutez quelques autres pays, et vous avez l'essentiel. Donc, on est dans le Pacifique, c'est là que ça se joue. Alors la France, évidemment, qui est un pays atlantique, se sent déclassée, exactement comme la Grande-Bretagne. Donc quand vous voyez la Grande-Bretagne et la France faire des efforts pour essayer de s'immiscer dans les affaires du Pacifique, et notamment autour de Taïwan, c'est simplement pour essayer de continuer à exister dans un monde où en fait l'Atlantique ne compte plus. Et on trouve des prétextes. Et Macron a fait sa tournée là-bas, il a été en Nouvelle-Calédonie, effectivement, il a été dans d'autres pays, il a été au Vanuatu, il a été au Sri Lanka, il a été un peu partout, pour essayer d'exister. Vendre des armes, et essayer de dire, il n'y a pas que la Chine, il n'y a pas que l'Amérique, il y a aussi la France. Bon, les gens savent que ce n'est pas très sérieux, mais enfin bon, ils essayent quand même. Et là, dans l'ancien précaré français, l'Afrique de l'Ouest, les Français se font foutre dehors, qu'on pompe dans le cul, sans vraiment broncher. Et là, vous êtes, si vous êtes simplement une puissance étrangère dans le Pacifique, vous voyez les Français arriver chez vous, frapper à votre porte, et vous dire, nous, on est des partenaires très sérieux, on a des armes, de l'assistance militaire, etc. Puis vous regardez l'Afrique, vous dites, oui, mais à votre palier, là, vous faites rosser, il ne se passe rien. Et là, les Français se regardent, ils disent, effectivement, on n'est pas très crédible, là. Voilà exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, la France a des ambitions qui sont bien au-dessus de la réalité de son pouvoir, de sa puissance. Et Macron ne veut pas se faire preuve de réalisme et il va dans une fuite en avant. Donc moi, j'étais convaincu en fait que par rapport à l'affaire du Niger, il ne pouvait pas se désavouer. Il allait jouer la carte de l'escalade, mais il ne peut pas le faire seul. Donc il faut les États-Unis, il faut d'autres pays africains, mais dans une affaire qui ne peut pas se régler juste avec 1000 soldats, ou 2000 ou 3000. Parce qu'on parle du Sahel, c'est ce que j'ai dit, c'est très poreux. Donc le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, sont clairement du côté des insurgés. Donc, il faut comprendre, en fait, parce qu'on peut pas... Si on raisonne en termes d'État, on ne comprendra rien. Si on raisonne le gouvernement malien, on ne comprendra rien. Parce que ces pays n'ont pas d'armée. Donc. Par contre, si on raisonne en termes de zones peuplées d'insurgés, de tribus en colère, armées par des puissances étrangères, avec des réseaux mafieux, alors là, c'est complètement différent. Et se poser au milieu de ça en disant « Nous, on va vous dicter votre conduite », comme veut le faire Macron avec l'armée française, là, je me dis, c'est carrément de la folie. Parce qu'il faudrait tellement de moyens pour tenir ça. Il faudrait au moins, je sais pas, je pense que les Français devraient au moins mettre 50 000 hommes sur le terrain, dans tout le Sahel, pour avoir une chance de tenir le terrain. Mais en permanence, j'entends. Parce qu'on oublie trop vite que l'effort de colonisation n'a pas été un effort de 10 ans. C'était une colonisation, c'était une présence permanente. C'est pas une opération militaire, c'est une présence. Et là, je sais pas si les gens mesurent exactement la portée des décisions de Macron, mais c'est ça ce qu'a décidé Macron, c'est qu'il va y avoir non pas un partenariat, mais une présence permanente, et il va falloir faire la guerre à tout ou partie du Sahel, qui sera armée par la Russie et la Turquie. Donc, vous imaginez ce que en connaissant la situation de la France en France. C'est ça qui me paraît fou, c'est qu'en fait, on n'arrive même pas à gendarmer l'Île-de-France et on va aller faire la police dans ces états-là. Donc, voilà où on en est. C'est très peu commenté, parce que la presse est très alignée, vous l'avez vu, hein, Gilets jaunes, Covid. Bon, il n'y a plus du tout d'esprit critique, de presse d'opposition, en fait. La presse d'opposition n'existe plus, il n'y a plus de presse d'opposition, il y a juste une caisse de résonance. Donc on dit ça, on dit amen, il suffit de montrer un tricolore et tout le monde dit oui, c'est ce qu'il faut faire, et voilà. Donc c'est assez dingue, mais on va là-dedans comme ça. Et... Donc, Garay, un mot là-dessus ou... Enfin, tu t'as déjà donné ton opinion, mais quelque chose à rajouter éventuellement? Simplement sur les ressources qu'évoquait Jean, on entend beaucoup parler, notamment par les populations africaines au sens large, des ressources qu'on leur volerait, etc. Bon, c'est une connerie, ça restera toujours une connerie, mais c'est là où on voit, un peu en lien avec le précédent sujet, le ressentiment qu'ils ont pour nous. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, qu'on les aide, qu'on ne les aide pas, qu'on achète, qu'on fasse n'importe quoi, on sera toujours accusé, d'une manière ou d'une autre, de profiter de les mettre dans la merde, d'être la raison pour laquelle ils ne sont pas développés. Moi, j'en appelle à vraiment arrêter tout contact avec ces gens. Comme tu l'as bien dit, c'est pas le projet du gouvernement. Par contre, je pense que voilà, Macron s'oriente vers le mur, qu'il ne réussira pas comme tout ce qu'il a entrepris Oui. jusqu'à maintenant. Hein, ça fait avec sa période dans le gouvernement de Hollande, ça fait quand même 10 ans, je crois, qu'il est là. Hein, et en 10 ans. Je sais pas quel bilan on peut tirer, bilan positif. Hein. En politique On peut. étrangère, c'est catastrophique. Oui, c'est ça, on peut C'est une tirer crise des après lignes, mais. l'autre. C'est la seule fois de toute l'histoire de rapport entre la France et les États-Unis qu'un ambassadeur français a été rappelé, c'est sous Macron. Je dis pas que les autres ont pas essayé de nuire, mais je veux dire, ça dit quelque chose. La crise avec l'Algérie est permanente, la crise avec la Turquie est permanente. Alors là aussi, je dis pas qu'il n'y a pas de source, et probablement il y a des tensions, mais jamais assumées. C'est-à-dire que c'est ça s'embrouille sans s'embrouiller, etc. Donc il n'y a pas de clarté, on comprend rien. Puis je passe sur tous les autres pays. Je veux dire, Macron a réussi à quasiment déclencher une révolution au Pakistan, incroyable. Le Bangladesh était en ébullition à cause de. Enfin, toute une série de choses comme ça. Hein, je veux dire, je parle même pas de la Russie, évidemment, la Pologne, la Hongrie, l'Italie aussi. Il y a une phase très chaude avec l'Italie, la Grande-Bretagne. Enfin, c'est incroyable. Enfin, les séquences comme ça de crises, de convulsions diplomatiques que Macron a créées avec absolument tous les États du monde. Je veux dire, c'est fou, hein. Mais le Brésil, il a créé une crise diplomatique avec le Brésil. Macron a réussi à créer une crise diplomatique avec le Brésil. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est hallucinant, la France, ce que c'est. Pourquoi? C'est une ancienne grande puissance qui n'accepte pas de revenir à un rapport, à la réalité, mais rationnel, cohérent, et en jouant habilement ses cartes. Donc c'est les esclandres en fait. En fait, la France aujourd'hui, c'est une femme hystérique, c'est les esclandres. Et ça, c'est les homosexuels. C'est les homosexuels du Quai d'Orsay. Et je vous assure que c'est ça. Les homosexuels du Quai d'Orsay, c'est les crises de nerfs à répétition. C'est la cage aux folles. Donc vous n'avez aucune politique avec ça. Aucune défense de vos intérêts, bien évidemment, puisque tout de suite, on monte dans les tours et voilà. Vous n'êtes plus du tout entendu. Vous n'êtes pas pris au sérieux. Et c'est comme ça partout, c'est comme ça vraiment avec tous les pays, ou pratiquement tous les pays. Il n'y a qu'un seul pays avec lequel on n'a pas eu de crise vraiment diplomatique, c'est Israël. C'est assez surprenant. C'est déjà trop le bordel chez eux, mais très clairement, oui. C'est-à-dire un pays mal géré et avec à sa tête un type qui a un ego démesuré et qui est capable en rien, bah voilà, ça donne la France de Macron et c'est Non mais c'est pas. terrible, mais je veux dire, et vous savez que les gens sont très gentils avec la France à l'étranger parce que y a encore un vieux lustre, donc ils vont pas à fond, mais ça va plus tellement durer, hein, je veux dire, c'est des images d'Épinal, hein, c'est ça qui fait que ça dure en fait. En fait, c'est le vieux prestige de la France d'il y a 200 ans. C'est ça qui fait que ça, voilà, que la France n'est pas maltraitée comme elle devrait être maltraitée. C'est ça qui fait que ça se passe encore comme ça. Mais je vous assure que attendez encore un peu et il y aura une remise à niveau général. Et là, par contre, il n'y aura plus de cadeaux, quoi. Hein, je veux dire, ça sera assez méchant, quoi. Hein, c'est fou, mais c'est vrai. Mais bon, voilà. Enfin, je voulais quand même en parler un peu. C'est pas qu'il y a d'enjeux économiques majeurs, hein, pour la France au Niger, mais par le choix politique de Macron, ça devient un enjeu majeur au sens politique, d'accord? Donc il n'y a pas d'enjeu stratégique pour la France, hein, économique ou de ressources. En revanche, politiquement, ça devient un bras de fer et faut pas le perdre. Bon, on va le perdre, hein, mais il faut pas le perdre, quoi. Hein, et c'est ce qui va se passer, quoi. Oui, c'est un enjeu géopolitique, quoi, vraiment au sens propre du terme. Hein. C'est un enjeu de politique internationale et qui montrera à nouveau que la France s'affaiblit et continue de s'affaiblir. Et bah, pour faire écho à ce que tu disais, moi je pense que le rééquilibrage de tout ça, ce sera lors d'une crise majeure interne en France, qui fait qu'elle ne pourra plus tenir aucun canot à l'extérieur. Et là, ce sera vraiment le coup du coup près, on va dire. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Bon, voilà, on va le voir, hein. Je pense qu'avec le Niger, il y aura le Niger, le Tchad, enfin, ça va dégénérer, je pense. Enfin, ça va, voilà, on va se lancer dans une escalade. Alors, en même temps, on est toujours en Ukraine, il faut soutenir l'Ukraine. Donc, bon, on cherche une cohérence là-dedans, il n'y en a pas. C'est juste être présent pour être présent, mais il n'y a pas vraiment d'objectif. Mais bon, en fait, les gens disent amen parce qu'ils s'en foutent, ils ne sont pas concernés. C'est un peu comme les États-Unis, c'est lointain, etc. Mais là, je pense que ça va changer de ton. Il va falloir foutre beaucoup plus de ressources en hommes, en matériel, en budget, parce que si, voilà, ça va évoluer comme ça. Et voilà, en gros, hein, c'est exactement ce vers quoi on va, quoi. Bah sur ce, on se dit à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.